Mais alors, je ne sais jamais qu'on peut les faire. Pourquoi t'as pas dit, cher compagnon? Je dis, mes chers frères, chers compagnons, compagnons, compagnères, si vous voulez. Voilà, alors, ils se sont donné un président. Ils ont eu tort, parce que ce président, il a énuméré par l'ascension qu'il a faite. Depuis 40 ans, ça ne lui était jamais arrivé. Et il se croit obligé d'être autoritaire. Alors, vous aurez à vous subir. Alors, je mets cette réunion sous un double patronage. Vous savez que Reclus a dit que l'anarchie, c'était la plus haute expression de l'ordre. Alors, pour vous avertir, il y aura forcément des interventions et les tours de parole seront accordés au tour de table. C'est-à-dire que pour un deuxième tour, il faudra attendre que la parole soit revenue au départ. Et alors, si vous observez cette façon de faire, eh bien, nous aboutirons peut-être au patronage de Louis Michel qui disait que l'ordre, c'est l'harmonie. Ouh là là, bravo, quelle incitation. tu as dit que depuis 40 ans, tu n'avais pas été président, tu exagères, on peut dire 80, on est au-delà. 80 ans? Oui. Non, c'est là, je suis en état civil. Non. C'est 82, dans 5 jours, j'en aurai 83. Eh ben voilà, presque, on peut te souhaiter un bon anniversaire. Bon, alors, comment se passe la réunion? Alors donc, je vais présenter... Bon, je parle pas. Allez, bah, alors, parfait. Alors, tiens, prends un siège peut-être ici. Radio Zazine, pour ceux qui ne savent pas, c'est la radio de Fourcalier et de, entre autres, de. C'est ça? Qui émettent sur Aix, alors les longueurs d'onde, je ne connais pas, sur Aix, 88.1. Sur Fourcalquier, sur Apt, sur. Non, c'est pas là. Ça va, tellement. Je rajoute un mot et puis le point d'identité. Pour ceux qui seraient venus, qui viendraient pour la première fois, sachez qu'ils sont plus que bienvenus. On espère qu'ils seront séduits parce qu'ils vont entendre, que ça les aura intéressés, que c'est dans cet espoir. On espère aussi les revoir dans nos prochaines réunions. Voilà. Voilà, donc je vais présenter de manière très rapide parce que je n'ai pas tout lu, c'est très épais, mon bouquin, hein, Daniel. Trois essais de philosophie anarchiste, qui date d'il y a à peu près un an, hein, c'est sorti, je crois. Daniel est chercheur en sociologie, professeur. À Saint-Étienne. Un peu plus haut. Il a déjà fait, il y a peu de temps, un petit ouvrage qu'on a là, qui est sorti en livre de poche, qui est un petit lexique philosophique de l'anarchisme, qui est beaucoup plus concis, beaucoup plus abordable pour un non-initié. Pour un initié, ben voilà, il faut même en rajouter des tonnes, c'est tellement. Alors c'est quelqu'un qui est dans le mouvement libertaire depuis longtemps, alors on peut être d'accord, on va d'accord avec lui, ça a forcément des points de friction, on verra ça dans le cours du débat. Voilà Daniel, à toi la parole, explique-nous pourquoi et comment, et tout le reste. Ouais, ce qui est important, effectivement, je suis à l'université comme enseignant, mais je suis aussi militant anarchiste, en particulier dans une librairie associative qui s'appelle La Griffe, qui est à Lyon, dont vous êtes invité d'y passer, de venir nous voir. Donc, qui est une librairie qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est gérée collectivement dans le cadre d'une association. Et donc, le premier livre, j'ai fait des travaux universitaires qui ont à voir avec l'anarchisme, puisque j'ai travaillé. Ma spécialité, c'est le mouvement ouvrier et l'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire, où j'ai fait ma thèse. Donc c'est aussi, je crois que le livre, vous l'avez, mais il est épuisé. Et donc ces deux livres sont nés, enfin le premier est né un peu par hasard, puisque puisque dans le cadre de la griffe, dans le cadre des discussions assez vives, parce que dans le mouvement anarchiste, il y a toujours eu des discussions assez vives, et dans les conflits qu'il y a pu y avoir, donc à l'époque, il y avait une grande discussion sur le thème l'anarchisme et le féminisme radical, enfin en gros, c'était ça les sujets de... Et donc, on a rédigé des textes, et moi je me suis mis à rédiger sous la forme d'un lexique, et puis ça s'est mis à proliférer, et puis quand ça a pris une importance plus grande, du coup, on a envisagé de le publier, je pensais le publier à ACL, qui était la maison d'édition libertaire, mais qui a une diffusion relativement limitée, et à ce moment-là, des copains et des copines m'ont dit, mais... essaye de toucher le plus de monde possible, tout ça pour expliquer que j'ai été publié dans une maison d'édition non anarchiste, ce qui était... Et donc c'est paru au livre de poche. Et le deuxième livre est dans le prolongement de ce premier livre, sauf qu'il est effectivement d'accès un peu plus difficile. Donc le sous-titre c'est « Islam, histoire, monadologie ». Donc le point de départ c'est un livre dont je vous conseille la lecture, mais c'est un livre de poche petit, mais qui n'est pas facile à lire aussi. C'est d'un historien et d'un philosophe marocain qui s'appelle Abdallah Laroui, et ça s'appelle « Islam et histoire, essai d'épistémologie ». Je l'ai acheté à la griffe, évidemment, dans notre librairie, un peu par hasard, et je l'ai lu, et c'est un livre passionnant qui réfléchit à partir de concepts de concepts arabes produits par la tradition arabe, arabo-musulmane. Et à ce moment-là, il y a des aspects passionnants d'un point de vue libertaire, ce qui est paradoxal, mais ce qui renvoie à un problème que je voudrais poser un peu dans cette discussion, c'est sur l'ampleur et la richesse de la pensée libertaire. Reste à se mettre d'accord sur comment ça peut se présenter, ce que je vais aborder un peu dans mon exposé. Enfin, ça, c'était pour expliquer un peu l'origine des livres. Donc ce qui fait que le deuxième est un peu plus dur à lire parce qu'il y a des notions arabes, etc. Enfin, je ne parle pas arabe, donc n'importe qui peut s'y mettre. C'est pas écrit en arabe, hein. C'est écrit en caractère latin, mais c'est des mots arabes que j'utilise. Alors donc il y a une première partie, je peux présenter un peu le livre, il y a une introduction plus sur l'anarchisme, il y a une première partie sur Abdallah Laroui, une deuxième partie... Pour ceux qui connaissent Hannah Arendt, ça les aidera. Donc sur Hannah Arendt et la troisième partie, mais les trois parties sont intimement articulées. La troisième partie, c'est sur l'histoire révolutionnaire du 19e siècle en Europe. Voilà, donc le lien entre les trois. Alors donc, comment expliquer ces trois choses? Eh bien, c'est là où je vais peut-être présenter un peu... je reprends un petit peu l'introduction du deuxième livre, donc sur l'anarchisme. C'est-à-dire que pour ma part, je suis militant effectivement, mais je me suis toujours intéressé. Qu'est-ce que c'est que l'anarchisme? Qu'est-ce que c'est que ce courant de pensée? Et donc je vais un peu donner quelques points pour alimenter la discussion. On discutera assez vite, hein, dès que vous le souhaiterez, ça sera plus intéressant dans le cadre de la discussion. Donc on peut dire que l'anarchisme, peut-être qu'ici, il y en a parmi nous qui ignorent tout de l'anarchisme, donc je vais peut-être donner quelques points de repère. Donc l'anarchisme en tant que référence explicite apparaît à peu près au milieu du 19e siècle. Hein, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, il y a des gens qui, pour la première fois, commencent à se référer positivement à l'anarchisme. Au mot anarchie. Donc c'est essentiellement Proudhon qui, dans Qu'est-ce que la propriété, qui date de 1840, qui est écrit en 1839, qui se dit anarchiste, et donc il y a un côté provocateur qui a d'ailleurs pas été abandonné et qui est toujours le cas actuellement. L'anarchie, c'est quand même la pagaille et le chaos. Et bien Proudhon se réclame de l'anarchie et de l'anarchisme. Et après, il y a un certain nombre d'auteurs, donc au milieu du 19e siècle, vous avez un certain nombre de gens, il y a une forme de pensée qui apparaît avec des gens comme Cœur de Roi, qui sont moins connus, ou Joseph Déjac, et puis surtout Bakounine, qui connaît Proudhon à l'époque, mais qui va jouer un grand rôle. Donc il y a un certain nombre de théoriciens très importants au 19e siècle, plutôt là, au milieu et au début de la deuxième moitié du 19e siècle, qui développent une pensée sur lequel on discutera si vous voulez, qui est une pensée très originale, qui consiste à s'en prendre à l'ordre au nom de l'anarchie, et de dire il faut changer le monde complètement en se référant à une conception qui serait différente de celle qui s'est imposée à travers les religions, les états, les pouvoirs divers. Donc ça, c'est la première période de l'anarchisme. On peut dire qu'il y a une deuxième étape dans l'anarchisme, qui ne sera pas une étape pratique, mais qui est une étape, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, de sociale et politique, c'est-à-dire de, et qui en gros va s'identifier au mouvement ouvrier. Donc à partir de la création de la première internationale, donc le mouvement ouvrier prend forme au milieu du 19e, et la première internationale se constitue en 1865, et à ce moment-là, vont apparaître des mouvements ouvriers se réclamant de l'anarchisme, et que l'on appelle généralement, c'est soit le syndicalisme révolutionnaire, soit l'anarcho-syndicalisme, soit les mouvements ouvriers dits d'action directe. Et donc vous allez avoir pendant le 1865, toute la fin du 19e et tout le début du 20e siècle, vous avez un peu partout dans le monde, dans tous les pays où il y a industrialisation, apparaissent des mouvements ouvriers extrêmement originaux, très mal connus. Je pense à un livre, je le cite, j'ai oublié son nom, au Brésil, par exemple. Au Brésil, vous avez un mouvement ouvrier libertaire extrêmement important qui se développe de la fin du 19e jusqu'au dans les années 20-30. Donc tous les pays en Amérique latine, aux États-Unis avec les IWW, au Canada, en Suède, en Bulgarie, en Russie, en Allemagne, apparaissent une pratique, un projet révolutionnaire ouvrier de type anarcho-syndicaliste, ou syndicaliste révolutionnaire. Donc ce mouvement ouvrier, cette deuxième période, on peut la dater, en gros elle apparaît dans les années 60, donc Proudhon meurt en 65, au moment où Proudhon meurt, c'est à ce moment-là que le mouvement ouvrier se constitue, donc il y a vraiment, ça permet de voir la séparation entre les deux, et on peut dire que cette deuxième grande période du mouvement anarchiste disparaît dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que dans les années 30, l'Espagne, c'est vraiment le dernier... avec une certaine importance, c'est le mot. Non, ça va, j'en ai bu tout à l'heure en mangeant du poisson. Donc avec la révolution espagnole, disons que le mouvement ouvrier, soit il va devenir... Il a toujours été réformiste, en gros, hein, disons-le clairement... La majorité du mouvement ouvrier est plutôt réformiste, et plutôt, on pourra en discuter si vous voulez, mais à partir des années 30, l'anarchisme disparaît du mouvement ouvrier, où il subsiste, mais comme toute petite minorité, sans beaucoup de pratique, et en gros, les tendances révolutionnaires du mouvement ouvrier vont être capturées par cette grande mystification. Enfin, j'exagère un peu, qu'est le communisme. C'est le communisme qui va prendre la place avec une révolution rêvée en Union soviétique, mais avec des pratiques très réformistes. On peut en discuter, c'est aussi un des aspects de la discussion qu'on peut avoir. Donc l'anarchisme, après ces deux périodes, on peut penser que l'anarchisme est mort. C'est-à-dire qu'il subsiste, bien sûr, qu'il y a des petits groupes anarchistes, il y a des centres d'archives, il y a des militants tout seuls qui continuent de maintenir le flambeau, mais l'anarchisme est quand même une espèce de chose éphémère qui a existé dans le 19e siècle et le mouvement ouvrier qui disparaît. Or, l'étonnant, c'est que l'anarchisme va connaître une résurrection étrange à partir de la fin du 20e siècle, donc dans les années 60 et 70. Donc l'anarchisme ressurgit, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui est maintenant, c'est les vieux maintenant, hein, mais bon. À l'époque, ils ont été jeunes, mais on a tous été jeunes à un moment ou l'autre. Donc dans les années 60 et 70, l'anarchisme ressurgit un peu partout. C'est-à-dire qu'au Japon, en Hong Kong, aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, en France, en Italie. Et donc c'est lié à une période là où on a l'impression que de nouveau des choses sont possibles. Donc c'est lié à tous ces mouvements de contestation qui apparaissent dans les années 60-70 dans un contexte de décolonisation, de mutation du capitalisme. Enfin, il y a une série de choses qui se produisent. Et donc il y a des mouvements sociaux. Ça sera en France par exemple ce qu'on appelle les événements de mai 68 qui voient ressurgir comme par génération spontanée, des gens qui se réclament de l'anarchisme. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, et c'est le plus important, et c'est là-dessus que moi, je me suis intéressé un peu plus, c'est qu'à ce côté pratique, social et politique, de mouvement de jeunesse, hein, pas forcément ouvrier, mais il y a aussi une dimension ouvrière assez forte, ou moins de salariés, à ça correspond un renouveau, moi c'est moi la thèse que je soutiens, c'est que le renouveau anarchiste va prendre une dimension philosophique, c'est-à-dire que vous allez avoir tout un courant de pensée qui va se constituer sur des bases philosophiques et que moi je pense, et ce que je défends dans ces livres, est un renouveau très important de l'anarchisme. Alors, ses auteurs, c'est essentiellement sur le terrain des sciences humaines et de la philosophie. Donc, on peut citer plus un grand nombre d'auteurs. Mais en gros, c'est ceux qu'on désigne, et le mot est donc polémique, enfin, il y a un enjeu là-dessus, ce qu'on désigne comme la pensée post-moderne, et dont les noms les plus connus, c'est Deleuze ou Michel Foucault. Mais il y a un certain nombre d'autres auteurs comme ça, comme René Scherrer ou autres. Donc il y a un courant de pensée qui apparaît à partir des années 70 et qui va être perçu par tout le monde comme étant lié à l'anarchisme. Et donc c'est là où je voudrais que, pour alimenter la discussion, à part des aspects de fait, la discussion elle porte là-dessus. Elle porte sur, je vais dire quelques mots sur ce courant de pensée. Donc le courant postmoderne, c'est un courant de pensée qui en gros remet en cause une forme de rationalité qui est née avec les Lumières et qui a été la rationalité du progrès technique et scientifique du 19e siècle et du 20e siècle. Donc ce courant postmoderne se réclame d'autres formes de rationalité qui remettent en cause ce rationalisme issu du 19e siècle. Donc là, dans le mouvement anarchiste, c'est pas un débat de petite boutique, c'est un vrai débat de fond. Il y a un peu deux positions qui s'affrontent. Donc je pense le numéro de réfraction, où il y a eu une polémique avec Eduardo Colombo, qui est un ami proche. C'est que l'anarchisme, en gros l'anarchisme comme courant de pensée, il s'est quand même construit contre l'obscurantisme religieux, contre l'obscurantisme de la tradition, et donc l'anarchisme a utilisé massivement les arguments rationnels contre la religion, par exemple, a opposé la science à la religion. C'est un premier aspect. D'autre part, l'anarchisme comme courant de pensée a été conduit à développer, oui, cette forme de rationalité donc issue du 19e siècle. Et donc il y a une espèce d'opposition, je ne sais pas si je suis très clair là, c'est l'après-midi, c'est le vrai voyage. Or, ce courant postmoderne, comme Deleuze ou Foucault, leur référence c'est Nietzsche, par exemple. Or, Nietzsche, c'est quelqu'un qui attaque très violemment le rationalisme et la modernité technique et rationnelle, etc. D'où un problème. En quoi l'anarchisme peut-il se démarquer, c'est pas très clair mon exposé, mais je vais le reprendre autrement, peut-il se démarquer d'une forme de rationalisme? Parce que là, je suis en train de parler du débat au sein des anarchistes. Alors la thèse que je ne suis pas tout seul à la défendre, évidemment, en particulier aux États-Unis, il y a en langue anglo-saxonne, en langue anglaise, il y a un grand nombre de débats. Donc si vous allez sur Internet, et je vous conseille de faire ça, vous allez sur Internet, anarchiste, postmoderne, et vous tomberez sur plein de textes où le débat est très intéressant aux États-Unis. Moi, je parle mal l'anglais, c'est dommage. En Europe, le débat est moins vivace. Alors en gros, ça consisterait à dire quoi ? À tout le monde. Bonjour. Voilà la vieille garde. On perd le temps, hein. Vas-y, tu peux enchaîner. Voilà, alors comment expliquer ça ? Et oui, c'est difficile. Voilà. Donc en gros, ça serait de dire l'anarchisme s'inscrit dans une tradition et dans une logique et dans un mouvement beaucoup plus large que ses conditions d'apparition au XIXe siècle en Europe. Donc en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que quand on lit Proudhon, quand on lit Bakounine, quand on lit Cœur de Roi et Déjac, on s'aperçoit qu'il y a une forme de pensée, qu'il y a une manière de voir les choses qui s'inscrit dans une tradition philosophique qui n'est pas la tradition philosophique dominante en Europe. La tradition philosophique dominante en Europe, c'est Descartes, Kant, Husserl, je ne sais pas si vous avez... c'est le monde, la modernité, c'est l'homme, maître et possesseur. Je rappelle à Descartes, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. C'est la toute-puissance de la pensée. La pensée, l'homme, il est pensée, il n'est pas corps, il n'est pas dans le monde. Il est pensée et il agit, il est maître et possesseur de la nature et il va agir sur le monde par la technique et il va soumettre le monde à sa domination. Donc c'est la maîtrise de l'homme sur la nature. C'est une philosophie de l'individu, du sujet. Je suis un sujet qui décide de mes actes et qui m'associe à d'autres dans des organisations politiques, etc. Donc c'est une philosophie du sujet et de la domination de l'homme. La position que je défends dans ces livres, c'est que l'anarchisme propose une toute autre vision du sujet et de la subjectivité. C'est-à-dire que l'anarchisme pense que la pensée va toujours avec les désirs, avec les forces et les aspirations. Ce qui fait que si vous lisez Déjac ou Cœur de Roi, vous verrez que Déjac et Cœur de Roi, ce n'est pas des pures pensées. Il y a des textes de Cœur de Roi extraordinaires en disant « Mon cerveau, c'est comme une machine à vapeur qui boue. » L'anarchisme, la passion, c'est donc une forme que les autres, Descartes et les autres qui veulent se maîtriser, vont dire « C'est irrationnel. » Si vous vous laissez aller, c'est-à-dire que les ouvriers de Barcelone en 1936 se jettent contre l'armée et risquent sa vie, c'est irrationnel. La rationalité, c'est quand même de ménager sa vie pour essayer de devenir vieux et même de faire payer à la société des dommages et intérêts devant la justice en disant « puisqu'on m'a fait venir au monde, j'ai les droits, j'exige le bonheur, la sécurité, etc. » L'anarchisme, c'est pas ça. L'anarchisme, c'est une forme de folie. C'est de vivre des désirs et de vouloir réaliser un monde complètement... C'est pas une utopie abstraite, l'anarchisme. C'est l'idée que chacun d'entre nous, on porte en nous des capacités infiniment plus grandes que ce que le monde nous offre et qu'on est capable de risquer notre vie dans des aventures plus ou moins rationnelles. Hein, parce que la rationalité, c'est quand même de préparer sa retraite. Hein, c'est d'être sûr d'avoir une pension correcte. C'est de ne pas fumer pour ne pas attraper de cancer. C'est de ne pas baiser pour ne pas attraper le sida. C'est la sagesse, c'est de calculer sa vie. Or l'anarchisme, c'est pas ça du tout. L'anarchisme, si vous lisez Proudhon, et pour Proudhon, il n'y a pas plus rationaliste que Proudhon. Mais il y a une folie dans Proudhon. Déjà Cœur de Roi, quant à Bakounine, il est complètement fou, c'est une évidence. Voilà, c'est suffisant. Donc ça, c'est la pensée. Mais le mouvement ouvrier n'est pas plus le mouvement ouvrier. Il dit c'est l'action qui compte, c'est la pratique, c'est la vie entre les êtres humains. Donc en gros, la position du mouvement anarchiste proprement dite, c'est de dire que la vie, c'est pas que des idées, et les idées ne mènent pas le monde. Donc Spinoza dira un affect, une passion ne peut pas être vaincu par la raison. Hein, si vous avez envie de bouffer un gâteau, c'est pas en vous disant ne mange pas de gâteau, etc. C'est éventuellement en disant tiens, il y a une fleur à côté, c'est bien plus beau que les gâteaux. Donc Spinoza dit un affect ne peut pas être vaincu par la raison, il peut être vaincu par un affect plus puissant. L'anarchisme, c'est ça. C'est de dire que l'ouvrier écrasé, qui bat sa femme parce qu'il est malheureux, qui son chien et ses enfants et qui boit, et bien s'il est pris dans une dynamique collective, il va un affect plus puissant, c'est-à-dire l'idée folle de faire la révolution, par exemple, on pourrait dire que ce soit bien raisonnable, et bien ça va, et bien il va dire je bois plus de l'eau. Il va pouvoir s'imposer une discipline au nom d'une force plus puissante. Et bien cette conception de l'anarchisme, on s'aperçoit qu'elle s'inscrit dans. Elle bénéficie d'une tradition philosophique extrêmement forte et riche. J'ai cité Spinoza, mais c'est Leibniz aussi. C'est Nietzsche. Oui, Leibniz aussi. C'est pour ça qu'il y a la monadologie. Et donc, ça veut dire que l'anarchisme, comme expérience collective et comme pensée, comme texte, s'inscrit dans une tradition beaucoup plus forte, une tradition beaucoup plus ancienne, qui dépasse l'Europe d'ailleurs, qui dépasse cette espèce de rationalisme technique de l'Europe, et qui est donc porteur d'un projet qu'on ne peut pas réduire et limiter à l'expérience historique limitée de l'anarchisme. Donc ça veut dire que le projet libertaire, en particulier, n'est pas lié simplement à la classe ouvrière ou au salariat. C'est-à-dire que toute forme de révolte, toute forme de volonté de vivre autrement peut s'inscrire dans le projet anarchiste. Je sens que je commence à être long. J'ai du mal à parler longuement, donc il vaut mieux qu'on s'engueule et qu'on discute, que plutôt que vous m'écoutiez comme un... Donc j'arrête pour permettre la discussion. S'il y a des points qui veulent... Alors François, déjà, qui peut première intervention, c'est pas pour chipoter sur une date, mais je suis pas d'accord par rapport à la naissance du mouvement anarchiste fin 19e siècle. Parce qu'en fait, milieu 19e siècle, parce qu'en fait, le terme anarchiste est employé pour la première fois en 1792, et il est repris très rapidement par les gens qui, à l'époque, ont effectivement une pratique libertaire, c'est-à-dire une pratique déjà contre le capitalisme, il pressente déjà ce que va devenir le capitalisme, et également une pratique anti-étatique. Et ces gens-là sont, dès le début, communistes. Et c'est pour ça que, précisément, à partir d'un simple détail historique, je pense avoir une démarche complètement divergente par rapport à la vôtre. Parce qu'effectivement, pour moi, l'anarchisme n'est pas un courant de pensée. L'anarchisme n'est pas une école philosophique, c'est un mouvement social. Bon, qu'à partir de là, il y ait des gens qui déduisent une philosophie de ce mouvement social. Bon, Proudhon, d'ailleurs, vous parliez de Proudhon tout à l'heure. Bon, Proudhon part pas entièrement dans le vide, c'est pas vrai. Parce que Proudhon réfléchit sur la Révolution française, déjà. Il y a pas mal de textes qui s'y rapportent. Il y a pas mal de textes qui se rapportent, y compris à des textes théoriques de Jacques Roux, de Barlet, de gens comme ça, de cette époque, qui étaient déjà des communistes libertaires avant l'heure. Donc déjà là, je pense que l'anarchisme s'inscrit dès le départ dans une lutte de libération. Au départ, une lutte de libération qui est une lutte libertaire pour le communisme. Donc qui est dès le départ une lutte de classe. Bon voilà, c'est que je voulais dire. De là découle effectivement c'est pour ça que je vois mal comment par exemple on peut relier ce que dit Nietzsche par exemple à l'anarchisme. D'autant plus que Nietzsche a toujours été violemment anti-anar. Bon, dans tous les textes de Nietzsche, bon, il y a eu une référence élogieuse, je crois, quelque part à Stirner, encore en note. C'est à peu près tout. Le reste du temps, ils tapent sur les anars à tour de bras. Bon, sur l'origine, oui, vous avez raison. Donc je signale, donc il y a un livre de M. Deleplace, donc que vous avez dû lire, de l'anarchie de Mably à Proudhon, en 1750-1850, qui a été publié par l'École normale supérieure là, de Lyon. Mais simplement, c'est vrai, quand on lit ce livre, on voit bien que le mot, on voit que. Je voudrais dire deux choses. Sur l'origine du mot, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que ça me paraît disons qu'à un moment donné, quand le mot anarchie devient courant, il y a effectivement quelques personnes qui pressentent la portée que ça peut avoir. Mais c'est vrai que si on lit, donc lui, il a fait une enquête complète, on voit bien que c'est Proudhon qui lève vraiment le drapeau au niveau des mots. Au niveau des mots. Par contre, sur l'autre aspect, je voudrais dire trois choses. La première, c'est que dans cette manière de penser l'anarchisme, effectivement, il y a un point très important, c'est que l'anarchisme ne s'identifie pas forcément au mot anarchisme et à ce qui se dit anarchiste. C'est-à-dire que quelqu'un peut être anarchiste alors qu'il ignore le mot, et quelqu'un, on peut dire l'inverse aussi, quelqu'un peut se dire anarchiste et pas l'être du tout. Donc, ce qui est logique avec le fait que ce n'est pas les idées qui l'emportent. Donc, ça veut dire que d'une certaine façon, le projet anarchiste dit quelque chose sur l'être humain qui s'inscrit dans tous les siècles et dans toutes les sociétés. Donc, ce que, je ne sais pas, moi je connais un peu, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire de la Chine, le mouvement taoïste, c'est évident que les historiens. Comme Jacques Gernet, ou lisez tous les bouquins sur la Chine, quand ils voient le taoïsme, ils disent « Ah, c'est des anarchistes », ce qui est vrai en partie. Mais bon, donc ça veut dire qu'on peut le retrouver, donc l'anarchisme, et dans des endroits différents, donc y compris chez Nietzsche. C'est là où je réponds aussi à ça. Donc, mais ça se discute, bien sûr. Ça se discute, évidemment. C'est le point important. Ce qui est important, alors je vais amener simplement des points factuels, hein. Après c'est une grande discussion sur ce qu'est l'anarchisme. Ce qui est certain, c'est que les mouvements ouvriers libertaires du début du siècle, dès qu'ils découvrent les textes de Nietzsche, ils se reconnaissent immédiatement en lui. C'est-à-dire que si vous prenez le mouvement ouvrier au Brésil, vous avez deux centres ouvriers très importants, avec des grèves et des organisations ouvrières extrêmement puissantes. C'est à Sao Paulo et à Rio de Janeiro. C'est deux centres ouvriers. Au même moment, hein, c'est-à-dire vers 1900, ça va exister jusque vers 1920. À Sao Paulo, il y a beaucoup d'ouvriers d'origine italienne qui sont arrivés à Sao Paulo. Et donc, il y a un mouvement ouvrier de révolte, mais très, très organisé, avec des ligues de quartier, avec des commissions techniques dans les usines, etc. Et ce mouvement ouvrier, il se réclame de Malatesta, qui est un militant très classique, anarchiste, passionnant, italien. À Rio de Janeiro, vous avez un mouvement ouvrier, à peu près les mêmes organisations, pareil, très puissant, de qui il se réclame ? De Nietzsche et de Stirner. Donc vous avez des textes extraordinaires, c'est des individualistes, un peu comme Pelloutier, qui était nietzschéen aussi, Pelloutier, qui a découvert Nietzsche. Et donc, vous avez des textes, vous lisez des textes sur Rio de Janeiro, où vous avez un leader ouvrier qui s'appelle, je le cite dans mon livre, qui dit « Ouvriers, devenez des surhommes », et qui emploie absolument tout le discours nietzschéen pour penser le mouvement ouvrier. Voilà, je pense qu'il y a plein d'autres exemples. Donc la reconnaissance, elle se fait. Voilà, c'était le deuxième point que je voulais dire. C'est que l'anarchie ne s'identifie pas. Donc effectivement, la Révolution française, je suis complètement d'accord avec vous, il y a une dimension libertaire, émancipatrice très forte. Et il y a des aspects inacceptables, etc. Mais bon, étatiques et jacobins et autres. Il y a l'intérieur de la Révolution. Oui. Alors voilà, il faudrait reparler. Le troisième point que je voulais donner, c'est sur la philosophie. La position que je défends, c'est que la philosophie, c'est aussi une pratique. Donc il n'y a pas de supériorité des idées sur la réalité, mais penser, c'est aussi agir. Ce que dit Déjac, quand il dit « penser », il est dans sa chambre, il dit « la liberté est une amante qui est... » Enfin, lisez Déjac, c'est magnifique, hein, c'est des textes... C'est que la pensée mobilise le corps. Ce projet, on peut retrouver chez Spinoza, chez un grand nombre d'autres penseurs non anarchistes directement, c'est un projet qui dit que on ne peut pas distinguer le désir et l'idée. C'est déjà qui dit l'idée est une amante qui me saisit, la propagande par le fait. Dieu sait si on a critiqué, si je peux me permettre de dire Dieu sait, la propagande par le fait, mais c'est cette idée, c'est pour les anarchistes, c'est les faits qui parlent, c'est l'action. Or, la philosophie, c'est un acte. Cœur de Roi dit je lance mes idées et c'est du fulminate, c'est des bombes ou des balles qui vont aller. Il y a des idées qui peuvent faire détruire des citadelles plus que des fusils. Donc c'est un petit peu. C'est qu'il ne faut pas valoriser, moi je ne valorise pas du tout la philosophie, mais la pensée, c'est aussi une pratique. Enfin voilà. Il y a peut-être d'autres. Jacques. Ben, je vais te remercier d'être venu à cet exposé. Il y avait plaisir de voir un peu de monde là. Alors, moi, pourquoi je suis anarchiste? Voilà, c'est ça qu'il faut se demander. Là. Je suis anarchiste pourquoi? Parce qu'aucun régime socialiste, communiste et tout ça qu'on veut, il n'a pas été capable d'établir un régime convenable pour que les gens vivent en paix. En paix, il y a tout, il y a prospérité. Aucun régime. Nous avons vu le communiste, nous avons vu le socialiste, nous avons vu tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont donné? La précarité, la misère et le chômage. Donc, là, l'idée anarchiste, elle est toujours valable. Je dis pourquoi il est valable, parce que je l'ai vécu, ça je parle de l'utopie, j'ai vécu pendant 3 ans à Aragon. L'anarchisme, c'était au commencement, ça voulait pas bien, mais petit à petit, les gens ils se sont faits, même les gens qui étaient contre l'anarchisme. Pour recevoir mon père. Mon père était contre l'anarchisme, mais quand il a dit maintenant, tu t'élabores avec des bourricots, maintenant tu vas élaborer avec un tracteur. Le tracteur, c'est moins fatigant, ça va plus vite. Il a vu à l'anarchisme parce que l'anarchisme, c'est une idée positive. Enfin, il y a eu pas mal de morts dans les campagnes, quand même. Oui, il y a eu pas mal de morts. Alors, j'ai vécu, par exemple, à l'anarchisme en Aragon. Voilà. Il y a un programme à l'Aragon, on l'a vécu très bien. Et là, la suppression de la monnaie. La première chose qu'il faut faire, c'est la suppression de la monnaie, survivre vers le vrai anarchisme. Parce que la monnaie, c'est la maladie de notre société. C'est le cancer de notre société, la monnaie. Alors, par exemple, tu as parlé du Brésil. Au Brésil, il y a le Parti des Travailleurs, comment ça s'appelle lui là? Lula. Eh bien, tu vois, tout ça, lui, il a pactisé avec les Américains, il a dit, par exemple, social et tout, il y en a un peu, mais là, ça finit ça. Même lui, alors, il sera noyé par le capital. Alors, par exemple, j'ai pris quelques notes, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Non, mais ouais. On peut te dire. Oui, je crois que tu reprendras la parole, mais il faut limiter. Il faut laisser les questions peut-être pour tout le monde. Oui, il faut que tout le monde intervienne. Voilà pourquoi je suis neuf. Tu as une voix, il y a un bras qui se lève derrière. Il y a Sylvie là-bas qui a levé la main. La parole est à Sylvie. Je vais essayer de pas être trop long non plus. Moi, j'ai deux points à évoquer. Un, c'est quand on parlait de. On va dire du désir par rapport à l'idée et par rapport à la pratique. Moi, ça m'évoque la psychanalyse. J'aimerais savoir quel est ton point de vue sur ce point-là. En quoi, et éventuellement, se rejoindrait la psychanalyse des débuts, par celle qui est devenue le réformiste, et dire ensemble des idées, parce que l'idée anarchiste, il semble qu'il y a vraiment tellement de nuances, les idées anarchistes. L'autre point que je voudrais évoquer, moi j'ai entendu à plusieurs reprises, aussi bien avec toi François, quelque chose qui ressemble à la séparation de l'idée de la pratique, hein, pratique et puis la tête et le corps. Et ça, c'est le bien héritage judéo-chrétien, comme se coltine tous, y compris les anarches. Hein. Mais c'est un ensemble. On vit, quand on vit, on a des pensées sur ce qu'on vit, et on vit par rapport à sa pensée. Peut-être encore que vous vous rejoignez tout en ayant l'air de pas être d'accord. Et de la même façon, il n'y a pas la tête et le corps, ce corps qu'on a tellement malmené, et justement au nom de des religions. Ce sont les religions qui ont voulu élever ce qu'on appelle l'âme, donc je ne sais pas où exactement, peut-être au pied quand on est marcheur, ou ailleurs, selon comment ça se passe. Hein, bon. Mais l'âme et le corps, c'est une dichotomie encore héritée des religions. Et l'idée aussi de dominer le monde, qui a fait florer chez un certain nombre de philosophes, hein, dominer le monde et la matière, donc le corps, le monde, la matière, c'est encore le message de Dieu, tu cultiveras ton champ, tu domineras le monde, et tu utiliseras jusqu'à plus soif les ressources de la nature qui t'appartiennent à toi, être humain. Hein. Je crois que tout ce côté-là, ce que je trouve intéressant, entre autres, dans les idées anarchistes, c'est qu'elles remettent en cause cet aspect-là, quand elles le font toujours. Oui, sur le deuxième point, effectivement, la propagande par le fait ou autre, c'est un refus du dualisme cartésien, de l'âme et du corps, et c'est donc c'est aussi le refus, il y a des textes de Bakounine, donc c'est des polémiques que j'ai eues avec Eduardo Colombo, c'est que Bakounine est un critique de la science féroce, mais Spinoza aussi, c'est-à-dire que la science est construite sur l'idée d'un homme tout puissant qui par la raison va mettre des OGM, des trucs sur les nanotechniques, là, je ne sais pas quoi, et en fait c'est de la folie. Donc là il y a tout un courant très fort qui dit qu'on ne peut pas séparer, et c'est vrai que je parle de la philosophie, il ne faut pas la valoriser trop, c'est pas si compliqué que ça, mais le parallélisme, le spinoziste permet d'éviter ça, c'est l'idée que toute idée porte une force, et toute force est une idée, donc on ne peut pas séparer les deux. Et l'être humain est vraiment est vraiment un être de désir, et la parole est toujours liée au désir. Et quand quelqu'un parle, quand Nietzsche dit, la force de Nietzsche, c'est quand même que quand quelqu'un dit quelque chose, il va pas mesurer logiquement ce qui est dit, savoir si c'est vrai ou pas. Il va, c'est ça la philosophie à coups de marteau, c'est pas une masse, hein, c'est un tout petit marteau pour entendre, ça sonne faux, ah, un tel il parle, et il a des paroles bien logiques et tout, mais qu'est-ce qu'il fait marcher, quel est le désir qui l'anime. Quand on écoute les hommes politiques, ou Lula au Brésil ou autre, on voit bien le moment où il y a des failles. Or ça, c'est vraiment intéressant. Sur l'autre aspect, il semble, alors sur la psychanalyse, c'est vrai que le livre de Deleuze et Guattari, l'Anti-Oedipe, c'était de montrer... Non, le point commun, c'est de penser que notre vie, elle est quand même en surface, et que derrière... Il y a une infinité de choses qui s'agitent en bon et en mauvais. On ne sait pas ce que ça peut produire, hein, y compris pendant la guerre d'Espagne. On ne savait pas ce que ça pouvait produire. Ce qui est sûr, c'est que la vie de surface, elle plonge dans, y compris la conscience, plonge dans un inconscient ou dans des... Et c'est vrai que la psychanalyse tend peut-être à enfermer dans un schéma répétitif, enfin la psychanalyse que j'ai critiquée, c'est là où c'est le papa, la maman, et c'est là où Deleuze est... Deleuze libère complètement ça en disant faut lire 1000 plateaux, c'est dur à lire, c'est l'emmerdement, c'est pas facile à lire. Mais alors, du côté de la philosophie, de l'anarchisme, ce qui est très intéressant, Proudhon, un de ses meilleurs livres, mais il n'est pas facile à lire non plus, c'est « De la justice dans la Révolution et dans l'Église », qui est un énorme livre, et c'est là où Proudhon, mais il l'avait déjà fait dans d'autres livres, dit « Il faut, on va prendre Leibniz au sérieux ». C'est pour ça que je parle de monadologie. C'est-à-dire que Proudhon va prendre au sérieux Leibniz. Qu'est-ce qu'il va prendre au sérieux? C'est l'idée que tout être, vous et moi, ou cette bouteille, elle porte en elle... Enfin, c'est une idée, c'est une théorie folle, c'est pour ça que les anarchistes l'aiment bien, c'est que cette bouteille, elle porte la totalité du monde comme possible derrière. C'est ça les monades. Hein, si, bon. Or, ça veut dire que les paysans d'Aragon qui étaient dans leur... qui se battaient dans des conditions, parce que la lutte avait des effets négatifs aussi, non, il n'empêche que les paysans d'Aragon, comme nous, comme n'importe qui, savent que l'idée de possible, le possible est réel. C'est-à-dire que c'est pas une utopie qu'on va imposer à coup de volonté en disant, en dressant les autres. C'est de libérer les forces et l'énergie. Et quand tu dis que ton père qui n'était pas... on a tous... Moi j'ai participé à des moments comme ça, très faiblement. Je ne vais pas comparer avec le côté dramatique de l'Aragon et d'ailleurs. Mais quand on vit des moments de grève ou de mouvement collectif, on voit bien que des gens... sortent de leur rôle. C'est un article qui est paru, je vous conseille la revue Ligne, qui s'appelle Anarchie au pluriel, qui est paru, et qui raconte une histoire extraordinaire. Vous avez un avocat qui s'appelle Barrio Béraud, qui était... Entre les bourgeois et les pauvres, la séparation est gigantesque. Donc ce bourgeois catalan, il est avocat. Dans les années 20, il défend les anarchistes. Pourquoi? C'est peut-être là où la première fêlure apparaît. Donc il défend les anarchistes pendant 10 ou 15 ans. Mais il défend, comme nous, il y a des avocats qui défendent les sans-papiers ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est le bourgeois qui défend les anarchistes. Et puis, 36 explose. Et en août 36, les miliciens de la CNT prennent d'assaut le palais de justice de Barcelone. Ils prennent et Barrio Béraud est là, comme avocat. Donc on imagine que déjà sa cravate était de travers, vous voyez, ou il l'avait même enlevée peut-être, hein, parce que les miliciens de la CNT ils étaient tous en bleu, donc il avait dû enlever sa tenue de bourgeois pour ne pas se faire fouiller, pour ne pas se faire tuer par les autres, d'ailleurs. Bon. Et donc il est là, il s'empare du palais de justice, et comme il est le seul juriste, alors là les anarchistes font quelque chose de terrible à mon avis, mais qu'ils ont raison de faire, ils brûlent les archives. Un historien comme moi, ça me fait mal au cœur et tout ça, mais bon. Mais eux, ils brûlent les dossiers de tous leurs copains qui ont été... Et donc, ils établissent un office juridique qui remplace la justice antérieure. Et Barrio Béraud se retrouve, il y en a un autre avocat, il se retrouve président. Et il va présider pendant un an un organe de justice où la justice devient gratuite, et où l'essentiel des mesures, c'est permettre aux gens de divorcer, ce qui n'était pas le cas avant, et puis des histoires d'augmentation de salaire. Je donnerai ma source après qu'un historien, tout ce qui n'est pas plus positiviste et tout ça. Et Barrio Béraud, pendant un an, préside. La République antifasciste réussit à remettre de l'ordre, c'est-à-dire à reprendre la main sur la justice et à commencer à pourchasser tous les révolutionnaires de 36. Et à ce moment-là, Barrio Béraud, il est mis en prison. Il est mis en prison pour avoir été révolutionnaire. Donc sa vie a basculé de bon bourgeois, il était nationaliste catalan, il n'était même pas anarchiste. Il se retrouve en prison, il va y rester un an, mais les prisons à l'époque, il y a des milliers de militants de la CNT qui sont en prison, 3800, l'historien a trouvé les dossiers de 3800 en Catalogne, uniquement en Catalogne, pendant que les dirigeants de la CNT, eux, ils sont au gouvernement. Vous voyez bien que... Des variations. Et donc, Barrio Béraud est en prison, mais en prison, il tient bon le coup. Il va rester un an en prison, mais les prisons sont quasiment contrôlées par la CNT. C'est-à-dire que la prison Modelo de Barcelone, l'historien, il a retrouvé, il contrôlait les cellules où on logeait, ils organisaient des pièces de théâtre, des conférences, et il y avait même des assemblées générales où il y avait des procès-verbaux. La bibliothèque de la prison, il y avait le tampon de la CNT, le comité Profesos Intérieur, c'était des gens de la CNT enfermés par le gouvernement où il y avait des ministres anarchistes, hein, d'essayer de vous représenter la situation. Donc Barrio Berro, il se défend et la justice républicaine n'arrive pas à le coincer. Ils n'arrivent pas à le coincer parce qu'il a une vigueur, etc. Il est défendu par tout le monde. Il cherche des témoins, la justice républicaine, hein, les républicains antifascistes, le gouvernement Négrine, ils veulent tellement le coincer qu'ils fabriquent des faux que l'historien a retrouvés, ils fabriquent des faux témoignages, ils montent un dossier pour condamner à tout prix ce bourgeois qui a basculé du côté d'utopie au sens de possible réel. Et finalement, ils sont sur le point de le juger. Parce qu'il n'y a aucun personne de témoigner. Tout le monde dit, Barrio Berro, personne ne témoignera contre lui, c'est un saint, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire. Et finalement, les fascistes sont sur le point de s'emparer de Barcelone. Barrio Berro est libéré des prisons, parce qu'on n'arrive pas à organiser le procès, parce qu'il n'y a pas de témoins. Et à ce moment-là, c'est là où ça devient tragique, c'est que le moral s'effondre complètement à Barcelone et en Catalogne en décembre 1938. Barrio Berro, moi je voudrais bien retrouver sa trace, parce que lui il en parle très peu, l'historien, il erre quelque temps en ville, les franquistes prennent la ville, il est arrêté par les franquistes, suivez bien les événements, on l'enferme, on le juge sur quelle base? Sur la base du dossier républicain, c'est que la continuité de la justice, imperturbable, a traversé tout, et il est fusillé le 10 février. Eh bien, la vie de Barrio Berro, pour moi, c'est pas un exemple, c'est le type même de deux choses. Je voudrais répondre à ce que vous dites. C'est un, que rien n'est jamais désespéré, même un père de famille enfoncé dans l'autorité, il peut brusquement basculer et découvrir l'anarchie. Un bourgeois comme Barrio Berro, il peut faire ça. Ça, c'est le premier point. Et deux, il n'y a pas que les anarchistes qui ont fait ça, c'est que la vie, c'est quand même risquer sa vie. Vous voyez bien que quelqu'un comme ça, moi j'ai beaucoup d'estime pour lui, n'empêche que sa vie, au lieu de mourir à 85 ans avec une retraite petite, mais enfin, où on irait encore manifester dans la rue pour avoir notre retraite, lui, il a risqué sa vie en basculant. Donc le livre, c'est un Toulousain qui s'appelle François Godichaud, qui n'est pas du tout sympathisant avec les anarchistes, mais qui a l'avantage d'avoir dépouillé les archives. Celles que les anarchistes n'avaient pas brûlées, mais après, comme ils étaient vaincus, ils n'avaient pas brûlé. Ça, c'est les contrastes de l'histoire. Et donc cet historien, on voit bien qu'il est un peu... Il est étonné, voilà. Sans arrêt, il est étonné par rapport à la pratique libertaire en Espagne. Il est étonné en disant, mais ils sont fous. En gros, ils sont fous, et s'ils voulaient se défendre, ils montrent comment c'est horizontal, comment ils ne supportent pas qu'il y ait de... Enfin, bref. Donc, je vais pas vous donner la parole. Alors, juste une petite intervention qui a à peine effleuré le sujet entre ce que disait François et Poudon, il y a aussi les utopistes, Fourier, Avant, oui, entre les deux, sur la période. Avant, je crois que c'est aussi important dans le parcours anarchiste. Complètement. C'est possible, ouais. Même si c'était possible un peu par jeu. Oui, oui, non, complètement, bien sûr. Surtout que Proudhon doit beaucoup à Fourier, même s'il a l'air de le critiquer. Alors, à toi. Moi, par rapport au début de ton exposé, là, sur les différentes phases, l'anarchisme. Bon, je connais beaucoup moins l'anarchisme de l'État, beaucoup plus sur l'anarchisme, parce que je commence à m'y intéresser depuis quelques années. J'avais vu une mission en vague, ça m'intéresse de plus en plus, mais moi je ressens pas en tout cas le débat que tu as mis en avant sur le fait de comment il faut se libérer d'une référence à un rationalisme, une approche qui s'est constituée en opposition aux obscurantistes, et comment il faut aussi prendre en compte ou la partie un peu passionnelle, irrationnelle, parce que il me semble que, surtout, tu as cité Deleuze et Foucault, enfin, je ne connais pas aussi en détail, mais ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est, je ne sais pas si c'est le fait que il y a une partie de passion et de la science, la technique, c'est plutôt qu'il y a la technique et aussi pas exempte d'un jeu politique, et c'est tout ça, donc je c'est-à-dire que l'idée qui consisterait à dire qu'il y a une démarche rationnelle qui est autonome, pure, et qui peut être détachée d'un contexte social dans le politique, cette idée-là, pour les utiliser très vite. Par rapport à la question de la passion, de tout ça, ben moi je ne suis pas en discuter de tout ça. Mais pour finir, moi je pense que ce qui est l'actualité et le grand intérêt, et à mon avis le grand avenir de l'anarchie d'aujourd'hui, moi je le ressens sous un autre aspect. C'est que je pense que, mais comme tu l'as dit, l'idée de renversement des injustices, de transformation du monde, d'émancipation de l'individu, elle a été complètement prise par le communisme, et qu'au jour d'aujourd'hui, après la faillite du stalinisme et des socialistes, je pense que dans la reconstruction de l'alternative, les idées anarchistes vont être très utiles, parce que, me semble-t-il, c'est un des facteurs sûrement importants de l'échec du communisme réel, c'est la négation de la place d'individu. Donc c'est ça, à mon avis, qu'aujourd'hui, l'anarchisme peut apporter. C'est le fait de bien, après avoir fait l'expérience, que le fait de soumettre l'individu, soi-disant, aux intérêts de sa classe, de la classe ouvrière, et ça a mené à l'échec qui est dans les pays de l'Est. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement garder la place de l'individu et puis c'est de retrouver quand même ce qui est le fond, ce qui est la perspective d'émancipation des individus. Et puis après, il y a tout le travail sur le coup, quand on en est là, comment on s'organise, comment on organise les contre-pouvoirs, la gestion de la société ensemble, la question du pouvoir bien centrale. Et moi, c'est plus ça que je ressens comme aujourd'hui, étant l'actualité, le grand intérêt de l'anarchisme pour construire une transformation sociale de demain, voilà, plus que la question du lien avec l'interrogation de l'affiliation. Moi, je veux juste dire un point, je suis assez d'accord, sauf que peut-être sur la fin, ce que je voudrais dire, c'est que que l'anarchisme c'est une victoire triste, hein, que le communisme est fini comme ça a fini, ça veut dire que c'est bon, ça prouve que les anarchistes avaient raison, enfin disons que ça, c'est pas d'une grande utilité, mais par contre je crois que l'adversaire de l'anarchisme actuellement, c'est bien sur le terrain d'individu, c'est là peut-être où ça. C'est-à-dire qu'il y a un individu moderne, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dire que la société dans laquelle on est, elle est individualiste, mais l'individu, c'est, je ne sais pas si vous voyez à quel prix on a un individu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, quel est le parcours qu'il faut suivre, l'individu c'est vraiment un rat dans un labyrinthe. Hein. Moi je suis à l'université, la réforme LMD, je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'université. C'est la réforme LMD, c'est quand même de dire licence, master, doctorat. C'est le discours, c'est chaque étudiant est libre de choisir son parcours. Mais c'est vraiment le parcours, c'est une cage de rats. Je le dis sans exagérer. C'est-à-dire que la masse, moi je suis dans une ville plutôt populaire qui est Saint-Étienne, la masse des étudiants, ils peuvent pas avoir de parcours. Le parcours, ça suppose un dressage individuel à franchir les obstacles pour finir par être cadre dans une usine. Mais être cadre, la vie cadre, c'est une vie de chien. Enfin, je sais pas que non, j'exagère un peu, mais c'est-à-dire que la discipline qu'il faut s'imposer pour réussir individuellement. Donc il me semble que là, l'individu anarchiste, stirnerien ou Onfray, enfin, Michel Onfray, c'est justement l'anarchisme a opposé ce qu'ils appelleraient une subjectivité. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on invente des subjectivités, mais des subjectivités risquées. Mario Véro, il a perdu son individu. Son individu, c'était d'être utilitariste, calculateur, de dire je pars, j'ai ma petite famille, ma maison, je la vends, je pars vite en France, attendre que la guerre soit finie, je reviens. Alors que la subjectivité, c'est d'être entraîné dans des aventures subjectives. Tomber amoureux, c'est anarchiste, voilà, en gros. Parce que vous voyez bien que... C'est pas rationnel. C'est pas rationnel, hein, vous êtes d'accord. Mais pardon, mais je... Évidemment, c'est pas l'individu mutilé que nous faisons le programme. Je pense aussi pour s'engager dans de nouvelles projets alternatifs d'ampleur, il faut aussi évidemment récupérer la notion de liberté qui est très abusivement utilisée par les libéraux, et donc restituer à l'individu n'est pas mutilé. Ouais. Certaines, je vois que tu as parlé là, sur ces questions de philosophie. Je me rappelle même parfois, moi, quand j'étais gamin, tu vois, je me sur les textes de Deleuze, Arcoutis, Iris, Machin, etc. Intellectualiste, quoi, hein, je veux dire, mais le problème contre l'argumentation. Et pas n'empêche, justement, avec la dimension historique et sociale de la chose. Alors, effectivement, je tombe aussi sur ce dernier, comme tu sais, ces Brésiliens qui sont tombés sur Nietzsche, etc. Enfin, bon, effectivement, il y a cette part, je veux dire, quand tu dis un texte comme ça de révoltation, de révolté, etc., ok, donc tu peux adhérer. Mais après, tu dis, bon, et le social dans tout ça, je veux dire, le projet social de transformation, tu vois, c'est moins cette perplexité-là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas à avoir des discussions philosophiques, hein, c'est, d'ailleurs, je pense, tu parlais du 19e siècle, demande à. On parle du monde du travail, hein. Il y a cette dimension aussi là d'éducation, même dans le sens, je veux dire, aux confrontations, etc. Mais c'est pas directement lié, quoi. Je veux dire, hein. Je prends un exemple, entre la dimension sociologique et la dimension anthropologique. C'est-à-dire que. Nous, en tant qu'anarchistes, on veut la transformation des rapports socio-économiques. Ok. Hein? Mais il y a effectivement une autre dimension qui, je pense, nous échappe encore plus. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de libération sexuelle, etc., des homos, etc. Effectivement, tu peux avoir des homos qui sont de droite, d'extrême droite, etc. C'est-à-dire, là l'articulation, hein, je fais entre l'anthropologique et le sociologique. Hein, c'est-à-dire que les rapports de pouvoir, hein, on le sait, dans les organisations anarchistes, etc., il y a ces enjeux-là qui existent, etc. Hein, c'est-à-dire que et moi, ça me fait penser à cette même articulation. C'est pour ça que je vais faire exciter. Ça veut dire qu'on ne puisse pas en discuter. Mais je vois pas. Ce truc de post-modernité, je veux dire, pas par obligation, de mettre ça en jeu, c'est pour ça que je l'ai acheté, donc, mais j'ai J'ai pas pu l'acheter. Ouais, non, mais je comprends. Non, non, je vous conseille pas de l'acheter. Après, vous allez m'en vouloir. Non, ça veut dire que moi, j'ai eu plein de... Je suis comme un chat, je tourne autour. Et il y a des risques pour prendre, je sais pas, pour des gens qui sont ici, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est l'archive, de se dire, par exemple, prendre ce risque-là, de dire, ben ouais, c'est un club, je veux dire, d'intello, etc. Alors, tu vois ce que. Quand tu parles de postmodernité, etc., de trucs comme ça, oui, donc, oui, il y a ça. Ça veut dire qu'on va rejeter les futurs, hein, qu'on soit, hein, ça tombe bien là-dessus. Hein, mais. Alors, je ne sais pas, comme je dis, je ne l'ai pas lu de pages. Non, en plus, ça n'a pas de rapport. Non, je vous conseille plutôt celui-là, il est moins cher. Et vous sautez les pages. Non, mais l'autre, il est chiant à lire. Non, mais c'est vrai qu'il suppose. Il suppose plein de. Il faut, c'est comme Deleuze, moi il y a encore des livres de Deleuze que je n'arrive pas à lire, des chapitres. Dans Mille Plateaux, il y a un chapitre, au bout de trois pages, j'ai réessayé. Mais il ne faut pas se décourager. Je voulais donner une petite précision que par modestie, tu ne pourras jamais donner. Ce livre, tu l'as. Un jour, tu seras très, très content de le retrouver sur un rayon de ta bibliothèque et dire, tiens, j'adhère. J'entre dans la lecture. Parce qu'il y a des moments... comme tout un chacun, surtout comme moi, quand on est une intelligence très moyenne, hein, oh, moi je l'ai lu, puis je l'ai abandonné. Et puis la vie m'a fait évoluer, j'ai pris un certain nombre de connaissances en plus, puis un jour j'ai dit, mais tu l'as méconnu. Donc, tu as fait un investissement à long terme, c'est tout. Non, tu le retrouveras. Non, mais là-dessus, il n'y a pas un problème. Mon retrait, a priori, il est, je pourrais dire, philosophique, hein, genre, par rapport à la philosophie à l'archiste communiste. D'ailleurs, c'est ça, hein, moi, c'est cette perspective. D'autant plus que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a eu cette hégémonie du socialisme politique, du communisme d'État, je veux dire, qui a évacué, je veux dire, tout le monde anarchiste communiste, savoir pour la plupart, beaucoup, je veux dire, des anarchistes communistes, en particulier aux fondations des partis communistes européens, on le dirait, avec ce tour de Il y a eu beaucoup de syndicalistes aussi. Oui, aussi, dans le cas, je dis, les faits là, je parle de nous, mais je dirais de ça. Et, tu veux répondre oui, juste sur un point. Et après, je termine cela. Et justement, ben, depuis des années, j'ai un enjeu pour moi important pour le monde libertaire, c'est justement. Parce que même dans les journaux, hein, de revues libertaires, etc., je vois cette notion et ça me paraît particulier. C'est-à-dire que donc, la structuration fondamentale, je veux dire, du socialisme libertaire, c'est l'antipolitisme. C'est-à-dire l'antiparlementarisme, anti-étatisme. C'est-à-dire que c'est l'appropriation des gens par le social, par leurs conditions matérielles qui déconstruisent, je veux dire, les rapports de domination capitaliste, etc. Et quand moi je vois dans les journaux en art qu'il faut avoir une politique, il faut une transformation politique, c'est tout ce qui a constitué le mouvement anarchiste qui contre ça. C'est pas une révolution. D'ailleurs, c'est pas une révolution politique qu'il faut, mais une révolution sociale. Et tout le socialisme politique a consisté, je veux dire, à entraîner le mouvement ouvrier, sur le parlementarisme, sur des logiques politiques. Hein. Et maintenant, par exemple, quand on entend les socialistes dire démocratie participative, je veux dire, j'étais encore une fois, camarade, mais toi tu arrives à la démocratie directe. Quand on entend, je veux dire, les abstentionnistes, je veux dire, la montée des abstentionnistes, on entend un discours, le refus du politique hein, par les gens, ils m'ont dit, mais non, ils ne sont pas politiques, mais parce qu'on essaie de le récupérer d'autre manière, le politique. Mais non, c'est-à-dire qu'effectivement, ils rejettent le politique, ils essaient de se rapproprier. Une autre forme, je veux dire, de pouvoir qui est, comme disait Bakounine, la dilution du pouvoir politique dans le pouvoir social, c'est-à-dire que notre individuellement notre propre prise de pouvoir, au lieu que ce soit une oligarchie, je veux dire, du pouvoir politique, d'un pouvoir d'État, mais de ce qu'on se soit avec, bon, mais avec tout ce que ça entraîne, bon, mais, comme opposition, différence, de culture, d'histoire de chacun, etc. Et c'est pour ça que cette perspective. là, que j'ai par rapport, moi je pense, les gens du jeu actuel, je veux dire, entre le socialisme politique et le socialisme social, je veux dire. Je m'excuse, mais il faudrait quand même qu'il puisse te répondre. Voudrais, parce que... ma réponse, elle serait sur un exemple. Si on reprend l'exemple espagnol, donc moi je me réfère à un livre qui s'appelle La guerre civile espagnole, c'est un livre d'historien, pas du tout partisan, pas du tout anarchiste, mais qui a dépouillé les archives. Donc si on prend l'Espagne, vous prenez la Catalogne, vous avez une pratique collective qui est de masse, mais qui est en même temps très fait par des noyaux. Il montre ça, je suis en train de redire ce que dit l'historien. C'est-à-dire que c'est un mouvement de masse, mais pas les foules. C'est des mouvements de masse faits par une multitude infinie de groupes affinitaires, de groupes de quartiers, de petits villages, etc. Or, ce mouvement de masse a une pratique que l'auteur qualifie d'horizontale. C'est-à-dire que la CNT, elle fonctionne, il n'y a absolument aucun comité supérieur. C'est-à-dire que le comité qui fait la liaison, il est choisi dans un groupe affinitaire à tel endroit, et... personne obéit à personne. Vous voyez, c'est un peu comme les tribus indiennes décrites par Clastres en Amazonie, sauf que au lieu que ce soit 300 personnes dans une tribu, c'est 600 000 adhérents qui fonctionnent horizontalement. Et cette pratique horizontale, et je crois que le travail de l'historien est intéressant, elle s'enracine dans des conditions traditionnelles espagnoles. Cette pratique horizontale, elle va se fracasser, elle va tenir, hein. Elle va tenir même quand ils sont en prison par milliers, par les républicains, ils continuent de s'organiser horizontalement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en prison, son syndicat ou son groupe affinitaire donne de l'argent pour sa famille, l'usine donne de l'argent, il y a une solidarité qui va se maintenir que cet historien décrit, toujours en disant c'est étonnant, c'est absurde, pourquoi horizontal comme ça, mais ça résiste, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et puis vous avez les politiques de la CNT qui disent il faut vaincre le fascisme, il faut militariser les colonnes miliciennes, et il faut détruire ce qui faisait la spécificité de la CNT. Or on voit bien, le paradoxe, c'est que les gens de la CNT, de la base, la masse des gens de la CNT, qui ont une longue pratique, hein, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est Godichaud dit c'est étonnant, mais enfin, ça ne pouvait pas durer. Aussi horizontaux, ils étaient incapables de défendre leur horizontalité, parce qu'il aurait fallu qu'ils soient verticaux pour défendre leur horizontalité. Ouais, il dit des choses comme ça, ce qu'on dit d'habitude dans ces cas-là. Hein. Et alors, ce qui est frappant, c'est que cette horizontalité collective, cette pratique collective, elle est sans armes devant les arguments de Monseigny et des autres, hein, et d'Oliver et des autres, qui leur disent « Vous êtes fous, vous voyez bien, avec votre fonctionnement, les usines produisent mal, rien ne fonctionne. » Et ça, c'est des arguments politiques. La raison d'État, la guerre antifasciste. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont à la base? Ils n'ont rien, ils disent dans les caractères, on est espagnol, voilà, les espagnols, ils n'aiment pas obéir, j'en sais rien. Or, moi, je prétends, et c'est là que je suis désolé de que ça ne puisse pas se faire simplement. C'est-à-dire que Deleuze, par exemple, Deleuze, il a un concept qui s'appelle le plan de consistance ou le plan d'immanence. C'est vrai que moi, je m'y suis mis tard en plus, j'ai mis des années avant de comprendre Deleuze, mais en même temps, ça me fascinait Deleuze, même si je ne comprenais rien. Mais le plan de consistance, c'est cette horizontalité du mouvement de la CNT en Espagne. Or, cette philosophie très compliquée, elle fournit des arguments pour des pratiques collectives du genre de la CNT en Espagne. Des pratiques collectives qui avaient le seul argument, c'était on est anti-autoritaire. Vous voyez bien que dans le mouvement anarchiste, il y a toujours eu des gens pour dire c'est bien beau de ne pas aimer les chefs, mais enfin, à un moment, il faut bien obéir quand même pour... quand on fait la guerre, quand il produit dans les usines, etc. Eh bien, donc moi, ce qui me déprime, c'est de ne pas arriver à l'expliquer suffisamment simplement. Mais le jour où des mouvements collectifs auront la théorie d'une pratique libertaire, à mon avis, la situation elle sera meilleure. Je ne veux pas dire que la CNT n'avait pas sa théorie, elle l'avait, une longue expérience. Mais ça a été vaincu par le discours politique. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais, d'ailleurs. C'est vrai que les, les anarchistes communistes, il y avait quand même un côté, quand je peux revenir sur des querelles internes au niveau anarchiste, mais la plateforme d'Archinov, c'est désespéré, c'est de dire, pour que l'anarchisme réussisse, c'est un peu comme la coopérative, je vous dis une, fait par les anarchistes, où au bout d'un moment, on dit, pour que notre coopérative anarchiste réussisse, il faut devenir capitaliste, alors il y en a d'autres, il faut devenir communiste. Oui, c'est le côté négatif. Enfin voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, j'ai deux questions. Première, je veux te prier un peu. Je n'ai pas lu ton livre, malheureusement. Je veux te prier. Donc tu crois encore que ça se lit facilement. Je veux te prier un peu sur cette penseur marocaine qui veut construire des liens entre l'islam et l'anarchisme. Ah non, il ne fait pas ça. Comment faire ça? Parce que je pense que c'est d'un côté une liaison peu probable, parce que je connais l'islam comme religion très hiérarchique, mais je peux peut-être me penser qu'il y avait des courants hérétiques que je trouve intéressants, comme dans l'histoire de des religions différentes qui ont été quelquefois des courants hérétiques qui sont été oui, les peut-être que l'orthodoxie je me pense comme ça. Je connais par exemple l'exemple de Mahmoud Abtaha en Soudan, je ne sais pas si tu as entendu. Il a essayé de trouver un anarchisme au sein d'une interprétation islamique. Je ne sais pas, mais je suis curieux de savoir un peu plus sur cette penseur marocaine. Et la deuxième question, encore sur Nietzsche, un peu je veux dire, ça ne me dit rien, parce que dans une certaine époque, au début du XXe siècle, je pense qu'un peu partout, tout le monde était influencé par Nietzsche. Par exemple, de l'anarchisme en Allemagne, les deux militants les plus importants, par exemple, je voudrais dire Rudolf Bonker, oui. comme anarchiste très rationaliste, on peut dire anarcho-syndicaliste, il était forcément fortement influencé par Nietzsche. Ah bon? Si tu as des citations, ça m'intéresse. Et oui. Comme dans les jeunes, ils sont Nietzsche et un peu partout les anarchistes comme ça, parce que c'est dans le développement aussi de découvrir le vieux Dieu. Le vieux Dieu, il est mort, et ça, c'est tout à fait dans une interprétation très rationaliste libertaire. Ça peut être intégré dans une pensée comme ça. Par contre, vous avez Gustav Landa comme anarchiste le plus spirituel, un peu irrationnel. Mystique. Oui, mystique. Il était aussi forcément influencé par Nietzsche. Alors, je ne vois pas cette distinction. Avec le rationalisme. Sur le premier point, Abdallah Laroui, il ne défend pas l'islam. Abdallah Laroui, donc du coup j'ai été en correspondance avec lui, c'est typiquement un intellectuel marocain, qui est historien, donc très fin lettré arabe, mais qui a fait ses études à Paris. Et donc ce qui est étonnant, c'est qu'il m'a écrit en me disant, il me dit, par exemple, il est arrivé à Paris, il est tombé sur Gurvitch, enfin, qui était proudhonien. Et donc, il connaissait Proudhon. Et après, il y a eu la vague du marxisme, il est devenu plus ou moins marxiste. Donc c'est une lecture de la philosophie arabe, qui est en fait, il s'oppose à l'intégrisme littéraliste. Et il défend des positions... Bon, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il défend des positions rationalistes modernes. La modernité européenne. Et donc, mais moi, je vous ai dire, comment dire, En fait, dans ce qu'il dit, il dit autre chose aussi sur la mystique, justement, sur la mystique arabe, musulmane et autres. Et donc, c'est un petit peu ça. Donc, j'étais en rapport avec lui pour être sûr de ne pas dire de conneries dans les termes arabes et tout ça. Et du coup, alors il dit, ah ben oui, il est assez âgé. Alors il dit, ben oui, je suis en train de découvrir mon fond anarchiste, mais qu'il ignorait. Enfin, je suis un peu prétentieux de penser révéler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la référence à Nietzsche exclut pas la rationalité, évidemment. Nietzsche, c'est une forme de rationalité. Alors ma critique de tout à l'heure, elle est peut-être moins valable sur l'Allemagne. Je crois qu'en France, il y a quand même eu... il y a un syndicaliste révolutionnaire, Monat, qui disait, qui avait cette phrase terrible, il disait « Les ouvriers français, en apprenant à lire, ont désappris à penser. » Parce qu'ils s'en prenaient à l'école laïque obligatoire, où il y a un système scolaire qui s'est mis en place en France, qui avait pour but de produire une main-d'œuvre, enfin, qu'un ouvrier, il lise son plan, il lise les consignes, et en fait, il y a une culture primaire du calcul qui s'est développée en France, qui a quand même marqué le mouvement anarchiste en partie, qui est une rationalité un peu étroite, quoi, mais qui n'a peut-être pas eu en Allemagne, je ne sais pas. En Allemagne, on a une grande coupure, une rupture de l'anarchisme, et on pense qu'il y a une continuité, alors il y a une grosse, beaucoup plus une culture libertaire qui est beaucoup plus forte en France qu'en Allemagne, évidemment, à mon avis. Mais par rapport à Nietzsche, c'est un philosophe qui était répandu dans une certaine époque, à mon avis. Et vous avez des penseurs des différents mouvements qui s'appuient à Nietzsche. Vous avez aussi des fascistes qui s'appuient à Nietzsche, et des autres. Alors, oui, c'est un peu... Je voudrais savoir, une question au camarade de Blanc, par rapport à Rocker, si j'ai bien compris, tu dis que Rocker, dans le programme, s'appuie sur Nietzsche et sur Stirner, c'est ça que tu... Bah, j'ai compris, non, Rocker. Tu dis que Rocker, c'est un certain texte, et s'appuie sur Stirner et... Dans sa jeunesse ou parce que moi, justement, j'ai le texte de Rocker, qui disait pas ça, justement, notamment en parlant du monde social anarchiste, il dit justement, parce que, enfin, résumé à peu près, comme ça, il dit, il y a une idée qui circule en disant que, je veux dire, le mouvement anarchiste a émergé, je veux dire, avec Stirner. Je ne sais pas sûr qu'il cite Nietzsche, mais en tout cas, Stirner, il dit non, pas du tout. Je veux dire, il a émergé socialement, je veux dire, et que les textes, de toute façon, par exemple, en Europe, je veux dire, de Stirner, n'étaient pas traduits, je veux dire, ni en France, etc. Donc il dit, je veux dire, c'est toujours par rapport à la navigation sociale plutôt que Nietzschéenne ou Stirnerienne. C'est pour ça que je demande. C'est dans sa jeunesse, alors je ne sais pas. Parce que là, je me refais un texte. Je pense que c'est anarchie ou des organisations, je ne sais pas, de Rodolphe Rocker. Est-ce que quelqu'un veut interpeller l'orateur? Il a une façon de faire. Et le conférencier. Non, mais si vous dites que plus, si ça dit comme ça, on s'en sent plus. Non, c'est pas gênant, non. Bon, bah alors, puisque c'est comme ça, je ne veux pas la parole. Voilà, je trouve que. Maintenant, je suis un vieux monsieur. C'est pas une excuse. Hein. Non, c'est pas une excuse, c'est même une tarte. Bon, alors, je trouve que quand je suis entré en anarchie, si je puis m'exposer ainsi, puisque je sortais d'un milieu communiste, ce qui m'a animé, c'est le 39, le pacte de non-agression, Hitler, comme je l'ai dit, Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une imposture, comment pas, depuis des années, on m'a mis le foulard rouge, le béret rouge, on m'a crié Abba Hitler, vive Taïman, vive ceci, cela, et aujourd'hui, on rit photon dans la main à ces gens-là. J'ai dit, là, il y a une imposture. Donc, à partir de là, je me suis senti déçu, j'ai cherché ailleurs. À la fin de la guerre, je me suis retrouvé avec une sensibilité libertaire, parce que ça me paraissait... Mais je croyais encore que le mouvement anarchiste pouvait prendre la place du Parti communiste et puis imposer une société plus juste, plus égale. Imposer, je dis bien. Et puis, avec le temps, je me suis aperçu que le prolo qui est le plus malheureux, il ne demande pas la liberté. Il ne demande pas, c'est pas vrai. La servitude lui est beaucoup plus agréable à condition que tu en fasses un consommateur. Ce que la société libérale parvient très bien à faire. Les gens ne veulent pas être libres et penser, non, ça c'est pesant, se prendre en main, prendre sa propre responsabilité, c'est dur. Tandis que si tu peux te confier à quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire ou pas faire, c'est plus facile. C'est là le succès des communistes. Suivez-nous, nous on va vous organiser une société. Et nous savons ce qu'il faut faire, et nous nous appuyons sur un texte sacré, c'est-à-dire le capital. À partir de là, nous savons comment la société évolue et comment vous devez évoluer, puisque nous, on va vous conduire. Bon, moi, ça m'a pas de rien, je me suis dit, c'est ça, parce que quand je lui ai parlé avec mes anciens camarades communistes, pas ceux que j'avais connus quand je militais, mais ceux qui m'environnaient dans le milieu du travail, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils admiraient ces communistes en Russie, c'était pas que la société soit plus juste, c'est que les autres, eh ben, ils soient aussi malheureux qu'eux. Voilà. Ah, en Russie, tout le monde travaille. En Russie, il n'y a pas d'injustice. En Russie, c'est libre. C'était pas d'être mieux et plus heureux et dans une société plus juste et donc plus libre. Ça, je suis désolé, moi à l'époque je disais le prolétaire, aujourd'hui c'est plus du tout le prolétaire, je dirais le consommateur, ce qu'il veut c'est qu'on lui satisfasse un certain nombre de besoins, et puis dans la mesure où on ne lui fait pas trop attendre, il admet très bien que ça dure comme ça une éternité. Alors maintenant je me suis découvert dans l'anarchie quelque chose, donc la perspective des anarchistes en majorité au 19e siècle, c'est de faire... de faire évoluer la société, de créer un milieu social différent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un projet qui se suffit à lui-même. C'est qu'on est arrivé à un moment où c'est l'espèce qui est en danger. Et ça, qui peut en prendre conscience d'une manière la plus aiguë, c'est les anars, parce que leur philosophie les y prédispose. Et c'est vrai que notre espèce est menacée, que demain, dans 50 ans, peut-être le problème de l'anarchie ou de la société capitaliste ne vaudra plus, parce que le monde sera devenu invivable. C'est très court comme délai, hein, c'est peut-être pas dans 50 ans, mais au point où on pollue l'atmosphère, qu'on pollue la terre, qu'on pollue tout ça, et qu'on crée des conditions irréversibles, il est possible qu'on soit plus possible, il soit plus possible que notre espèce disparaisse. Et ça, qui en a conscience ? Peut-être les dirigeants, vous voyez, ceux qui en profitent. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils savent qu'ils y vont vite, et puis ça finira comme ça pourra. Tandis que nous, moi j'ai la faiblesse d'aimer mes semblables. Oh, je ne suis pas le gars qui a passé à tout le monde. Hein. D'abord, tout le monde sait ici que je ne suis pas un gros partisan des bisous. Mais j'aime mes semblables. C'est eux qui me procurent des satisfactions, c'est leur contact, c'est leur joie, c'est ce qui me font découvrir, ce que peut-être je leur apporte. Et pour ça, je souhaite cette perspective de voir notre espèce disparaître qui est capable de tout et même de l'impossible dans la société à venir, si les conditions physiques le permettent, c'est-à-dire si la Terre nous supporte encore, parce qu'un jour ou l'autre, il sera possible qu'elle ne nous supporte plus. Et à ce moment-là, on fera comme les diplodocus, en fait, tous ces animaux qui, eux, ont au moins une chose, hein, s'ils pouvaient raisonner, ils diraient, c'est pas de notre faute si nous avons disparu, c'est les conditions qui n'étaient plus, qui nous étaient plus favorables. Tandis que nous serons, nous j'ai l'impression que nous serons les victimes de nos propres errements. C'est pas la nature nous détruira parce qu'elle ne supportera plus, mais c'est nous qui nous sommes comportés envers notre milieu d'une manière tout à fait, alors, irrationnelle. Parce que dans le fond, l'intérêt de l'espèce, c'est de se perpétuer. Elle n'a qu'un sens, hein, c'est de se perpétuer et d'évoluer vers des perspectives qu'on n'ose même pas imaginer. Voilà comment maintenant je sens l'anarchie. Je me dis, bon, ben, c'est bien beau les revendications sociales, mais on est au temps où la misère se promène en voiture. Hein. Alors que j'ai connu dans mon enfance une misère qui, quelquefois, le soir, se couchait avec un bol de café noir et puis un peu de Saint-Doux avec du sel sur sa tartine. Le Saint-Doux, c'est parce que ma famille étant polonaise, le porc avait une grosse importance. Hein, on mangeait plus souvent du Saint-Doux sur la tartine que du beurre. Et c'était moins cher. Alors aujourd'hui, la misère, il y a des pauvres, il y a des malheureux, mais la misère sociale, c'est plus ce que c'était. Voilà, je ne veux pas m'étendre plus longtemps. Je crois que je suis un peu hors du sujet, mais enfin. Oui, même non, beaucoup. Mais, un peu beaucoup. Pour respecter une certaine forme de parité, parce qu'il y a beaucoup de jeunes marins qui ont bien entendu un peu leur. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a pas aussi de se manifester. Moi, je voulais dire quelque chose. Parce que la jeune. je suis un vieux, mais les vieux, ils en auront la parole aussi. Ce que je voulais dire, non, par rapport à ce que disait Piotr. Bon, c'est vrai si on prend les sociétés développées européennes, mais si on prend au niveau mondial, je ne suis pas sûr que la misère soit en voie d'extinction, ça paraît pas probant. Je crois plutôt qu'il y a une fausse aisance relative qui est développée dans les pays d'Europe au détriment du reste du monde. Oui. Je crois plutôt que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc en fait, la misère s'est déplacée géographiquement aussi. Quoi. Alors, on demande aux personnes plus jeunes de dire ce qu'ils pensent de... Comment vous voyez votre avenir à l'horizon de 2100. Dans l'anarchie, il y a quelque chose sur lequel on ne s'est pas attardé. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas apparu sur le plan social, parce que pour l'État, il voulait bouffer. Mais le côté éthique, c'est quelque chose le côté éthique dans la philosophie anarchiste, c'est-à-dire prendre ses propres responsabilités, toutes ses responsabilités en communauté avec ses semblables. C'est dur. Ouais, moi, je vous cite un exemple, je ne suis pas héros, pas du tout. J'étais représentant. Il s'est trouvé que le secteur qu'on m'avait attribué au départ, il a grossi, il y avait une clientèle potentielle beaucoup plus grande, on voulait que je prenne des adjoints. Mais il est arrivé un moment où je me suis dit, mais si je prends des adjoints, je vais les exploiter, moi, à mon tour. Alors, le problème s'est posé, gagner plus de fric ou être conséquent. Bon, j'ai freiné les deux pieds, je me suis montré conséquent, je n'ai pas gagné plus de fric. Mais, pourquoi? Parce que j'avais une imprégnation philosophique, et si je ne voulais pas me renier, si je voulais encore pouvoir me regarder dans la glace en disant que tu n'es pas tout à fait un salaud comme les autres, eh bien, il y a des choses. On m'a fait remarquer que si j'avais cette position, c'est parce que j'étais un aigri et que je n'avais pas la place que j'estimais mériter. C'était une manière de me voir. Et puis plus tard, quand j'ai gagné de l'argent, maman m'a dit, oh oui, mais ça, c'est parce que vous êtes un original. Vous voyez? Il y a peu de gens qui se disent, mais pourquoi il pense comme ça? Pourquoi là où il ne suit pas les autres? C'est dur la philosophie anarchiste, c'est dur l'éthique anarchiste si on veut être conséquent. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins d'attrait qu'un parti. Un parti, tu le suis, tu sais le dire. Oui, tu appelles ça l'éthique, tu as raison d'appeler ça l'éthique, mais pour moi, c'est ce qui fait le lien, un déjà parlé tout à l'heure, entre le soi-disant, la soi-disant séparation entre l'esprit et les actes, etc. Oui, oui, et pour nous, c'est tout à fait ça, c'est tous les jours. Parce que, ouais, ben, voilà. Ça prend toutes ces proportions. Dans la colonne de fer, etc. Mais je viens tous les jours, effectivement, c'est ça. Et c'est précisément parce qu'on pense, enfin, moi, je sens les choses, c'est précisément parce que je pense, enfin, j'essaye de penser, que j'arrive à faire ma vie tous les jours, tout bêtement, parce qu'effectivement, tous les jours, il y a des tout petits noms, des tout petits noms, mais il y en a tout le temps. Là, j'aurais une divergence, parce qu'il faut sortir de... La divergence, moi, je serais pas d'accord, parce que ce que vous appelez éthique, c'est... À mon avis, vous mettez en œuvre une éthique, effectivement, mais ça risque plutôt... Et je crois qu'il y a vraiment une différence entre la morale et l'éthique. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous dites, un chrétien le dirait aussi, même les communistes, c'est-à-dire que je crois que la différence, il faut remettre un peu de polémique dans nos discussions, c'est-à-dire que la différence, je suis convaincu, c'est vrai que moi, il y a un truc dans lequel je ne me reconnais pas, mais là, je ne suis pas en train de parler au nom de l'anarchisme, évidemment, je n'ai aucun titre, mais moi, en tant qu'anarchiste, je pense qu'il y a un danger à constituer une morale de groupe, et je crois que c'est plus du côté de l'argumentation, je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bien. C'est pour ça que moi je me reconnais dans une philosophie comme Spinoza, qui a quand même la grande œuvre de Spinoza s'appelle l'éthique. Hein, mais Spinoza refuse le bien et le mal. Donc c'est pas un problème de définir un bien qui serait anarchiste, qui s'opposerait à un bien communiste, chrétien ou autre. C'est plutôt l'idée. Donc du coup, là, ils n'arrivent pas à interpréter, les gens, ils n'arrivent pas à interpréter. Enfin, quand on veut pas de son chien, on lui trouve toujours toutes les maladies, faut pas l'écouter. Mais en fait, c'est quand même qu'on agit, moi je crois qu'on agit en fonction, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, on agit en fonction de choses qui sont pas inconscientes, mais qui sont dans... Quelqu'un qui est généreux dans une situation, il le fait pas au nom de la morale. D'ailleurs, quelqu'un qui vous donne, qui dit « Ah, je vais te donner du pain... » et on sent qu'il... Voilà, Nietzsche, il arrive, et il dit « Ah, mais tu me donnes du pain, mais espèce de curé, va chez toi, ou je sais pas quoi, tu me donnes du pain, tu te forces à me donner du pain. » Vous voyez bien la différence entre quelqu'un qui est pris dans une dynamique de générosité et qui va partager son pain, parce qu'il est... Il vit avec des camarades. Alors à ce moment-là, il y a un groupe, mais le groupe, c'est un système de valeurs qui naît de la pratique collective, où on apprend... Quelqu'un qui a toujours vécu... dans une famille, qui a été élevé dans une famille où on garde tout, où on prête jamais rien à personne, il va continuer de réagir comme ça, mais s'il tombe dans un milieu où quelqu'un lui donne, et ça peut être un chrétien du coup, parce que là, il y a des chrétiens qui sont généreux, malgré tout, dans le tas, chez les anarchistes aussi, d'ailleurs, certains. Il y en a qui ne sont pas. Il y en a qui ne sont pas, t'es d'accord. Même chez les anarchistes. Donc ça veut dire que la générosité, elle, quand on dit qu'elle vient du cœur, elle est nietzschéenne ou spinoziste, voilà. Ou bakouninienne ou proudhonienne. C'est-à-dire qu'elle est que j'agis en fonction d'un rapport de désir de générosité. Mais quelqu'un qui se force, d'ailleurs on refuse, quelqu'un qui va se forcer pour vous rendre service, il faut vraiment que vous ayez besoin de lui. Hein, mais vous êtes dans des rapports répugnants, d'un point de vue anarchiste. Alors que quelqu'un qui est... Ah bah la morale, voilà. Ça, je veux dire. Tu veux la morale ? L'anarchisme. Oui. Ah, bah, demande-la. Alors, attendez, là. Alors, qui veut la parole ? Qui a la main ? Sylvie ? Oui, mais en fait... Non, mais vas-y, je ne peux pas encore ouais. Parler. Sylvie a oui, déjà parlé. Ouais. Moi, en fait, à la base, je suis plutôt anarchiste. Hein. Donc, je suis venu là déjà pour m'enseigner, pour voir comment c'était. Moi, j'ai plus d'affinité avec le communisme, même si je reproche pas mal de trucs. Donc, moi, je suis venu ici avec déjà l'idée principale, anarchie égale chaos. C'est pas faux. C'est pas mal. Oui, mais j'ai plutôt l'impression qu'en fait, l'anarchie, c'est plus une excroissance politique du romantisme. Je suis pas faux non plus. Donc, bon, c'est vrai que là, j'ai un peu perdu mes illusions de départ, en fait. Donc, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis, bon, moi, c'est vraiment l'anarchisme. formation, formation musculaire, le monde peut être un peu chaotique. Donc, Mais en plus, je suis venue avec toi et on en a parlé hier et je te rejoins vachement. On est plus venu dans une idée un peu de révolution, de je sais pas. Et là, c'est plus philosophique. J'ai pas bien vraiment saisi pourquoi chacun d'entre nous était. Enfin, moi, je sais pas quoi. Là, par contre, moi, c'est vrai que quand moi, j'aime bien quand même le côté philosophique des choses. Et par exemple, je vous demande une définition de l'anarchisme. En théorie, vous pouvez pas m'en donner. Si, je vous donne, on peut m'en donner. Normalement, oui, mais vous avez une définition claire, même. Enfin, je veux dire, une définition connue de l'anarchisme. Finalement, est-ce que ça n'obéit aucun principe? Alors, je vais vous donner la définition. Mais alors, si vous achetez le petit lexique, vous aurez la définition d'anarchie, ça vient du grec anarché, ça veut dire arché, c'est le pouvoir, mais c'est aussi l'origine. Donc l'anarchie, c'est absence d'origine. Ça veut dire que l'idée d'anarchie, Deleuze donne une définition de l'anarchie, il dit l'anarchie, cette étrange unité qui ne se dit que du multiple. L'anarchie, c'est l'idée qu'effectivement, notre vie le montre, on vit dans le chaos. Vous pouvez descendre, vous pouvez descendre et vous faire écraser dans la rue. C'est-à-dire que le chaos, c'est le fait qu'on vit dans le multiple. Et ça, philosophiquement, c'est vrai que c'est pas marxiste comme théorie. C'est pas le sens. L'idée d'anarchie, vous avez deux sens dans l'anarchie. C'est à la fois le chaos, et je crois que la vie, elle est chaotique, et c'est l'idée que le multiple, et c'est ce que Deleuze essaye de dire, c'est que le multiple. On peut construire un monde à partir du multiple, à partir de la diversité. C'est-à-dire que si on prend par rapport au communisme, là, puisque vous référez au communisme, ça veut dire qu'un mouvement ouvrier syndicaliste, anarcho-syndicaliste, il va fédérer des entités locales. Le mouvement espagnol dont j'ai parlé, c'est un fédéralisme où chaque entité locale, elle refuse de se fondre dans une autorité supérieure qu'elle vit comme Dieu ou l'État ou le parti ou la science. C'est-à-dire c'est l'idée que chaque expérience ou chaque unité d'un mouvement est singulière et donc autonome. Et elle se fédère librement à d'autres. Donc ça veut dire qu'un syndicat de métallurgistes, il va se fédérer, s'associer avec un syndicat de musiciens de cornemuse, non, cornemuse, et bien entre faire de la cornemuse et travailler la serrurerie, c'est pas du tout la même chose. Et donc l'idée de l'anarchie, c'est cette fédération du multiple. Je sais pas, non, je réponds, j'essaye de vous convaincre, vous avez remarqué, mais... Non, mais je suis d'accord aussi avec vous, enfin, parce que moi, par exemple, moi j'ai voulu être plutôt scientifique quand même. Bon, c'est vrai que sur votre, quand vous parlez du chaos, c'est vrai qu'en fait, bon, là je parle de la nature en général. Et c'est vrai quand même, quand on regarde bien, bon, à côté, moi par exemple, je ne suis pas trop religieux, je suis contre la hiérarchisation dans la religion, même la propagande, le fanatisme. Mais bon, on prend par exemple la théorie du chaos. En fait, ouais, le chaos organisé, en fait, c'est ça. Mais en fait, voilà, moi, je le vois dans la complexité, en fait. Et la nature est basée sur ça, généralement. Car l'homme ne pourra jamais comprendre... Enfin, c'est ça, en fait, la distance entre nous et Dieu, c'est que l'homme n'est pas à la portée de certaines choses. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire? Je parle de Dieu. Non, attendez, non. Moi, je ne suis pas du tout croyant en Dieu. Ce que j'appelle Dieu, je peux appeler ça infini, n'importe quoi. Non, je parle de la nature, en fait. Et en fait, là, on s'oppose à une vraie contradiction, parce que d'un autre côté, on a la théorie du chaos comme la perte de la turbulence des fluides. Par exemple, fumer votre cigarette, vous ne comprenez pas pourquoi, au départ, la fumée est complètement, enfin, très homogène, elle monte en ligne droite et puis d'un coup, part dans tous les sens. Et d'un autre côté, vous voyez, quel que soit le règne animal, généralement, il y a toujours une hiérarchisation, et tout est toujours réglé, en fait, dans la nature. Il y a pas mal de gaspillage, de fourmis qui perdent des pattes, je sais pas. Oui, non, mais je parle à côté, bien sûr. Je fais c'est quelque chose comme ça. Mais par exemple, n'importe quoi, comme le cycle, enfin, tout est cyclique, politique, en fait, il a organisé. La Voie lactée, pas tellement. Non. Les scientifiques, je veux dire, les problèmes qui posent ce truc. Il y a une idée de la science. Jusqu'à très récemment, la science était très fixiste, je veux dire, et anhistorique. Hein, et dans tous les domaines, notamment dans les sciences physiques. Hein, je dis très récemment qu'il y a eu cette émergence de l'introduction de l'histoire en physique. Avant, il y avait le soleil, les étoiles, tout était fixé, pas de galaxies, ça ne bougeait pas, l'univers n'était pas en expansion. Enfin, là, il y a eu, là, une éruption de l'histoire en physique. Hein. Quand tu dis tout est réglé, oui, alors là, la question, c'est réglé et déréglé. Oui, tu es comme une histoire. C'est le parallèle. Voilà, je veux dire, et ça, c'est... Moi, je suis... philosophie matérialiste, hein, et justement c'est le propre du devenir, c'est-à-dire que effectivement il y a de la complexité, tout à l'heure le copain disait multitude, multiplicité, bon ça se rejoint, c'est-à-dire que nous en tant qu'être individuel, justement à comme Dieu, on a certains ont essayé de l'avoir, mais il ne faut pas avoir une vision totalisante et totalitaire du monde. C'est là, on est, une espèce de fourmi dans un flux cosmique. C'est-à-dire, bon, comme on a une construction neurocognitive qui nous permet de saisir cette complexité-là. Et donc, après, il y a peut-être cette dérive qui, peut-être qu'en saisissant cette complexité, notre dérive, c'est de se croire des dieux. Hein, de se croire, justement, c'est pour ça que moi, je ne suis pas trop dans des lignes chiennes. Moi, les militants anarchistes, c'est pas des surhommes, des êtres surnaturels. Parce que quelquefois dans les textes, bon, t'es anarchiste, c'est un être à part. Non. C'est des individus comme les uns les autres, on est dans la société, on est dans l'histoire comme les uns les autres, et puis on a un projet social différent. Tu dis que tu es communiste, et moi, j'ai des copains qui, enfin, de mon âge, même temps, qui me disent, le problème, c'est la différence entre l'un et l'autre, c'est que peut-être moi, je suis arrêté à la lettre A, parce qu'on dit, quand tu es gamin, en ayant où tu parles, tes copains te disent ouais, tu es anarchiste. Bon, l'autre copain dit tu es communiste. Et tu dis oh, lui, en regardant le dictionnaire, à l'autre, c'est il y a le communiste et le communiste. Excuse-moi de te couper la parole, mais il y a quelqu'un, Roland, qui n'a jamais encore parlé et à qui il faudrait quand même un peu accorder la parole. Ah, ben voilà, je vais dire à Daniel. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Parce que, je voudrais revenir à la notion de post-lien. Bon, je suis comme toi, un enseignant de supérieur, et je suis dans les sciences humaines. Et j'ai passé ma vie sans lire aucun livre. Et j'ai même un préjugé contre l'étiquette postmoderne, parce que je trouvais en tant qu'historien. Bon. Mais finalement, avec du recul, j'entends dire, j'entends poser la question, est-ce que vraiment, c'est ce que tu disais dans le processus, est-ce que tu peux revenir là-dessus et dire qu'ils ont quand même apporté un regain d'audience à l'anarchisme, ou est-ce que c'est nous qui interprétons ça comme ça? Est-ce que tu penses qu'ils le voulaient, et est-ce que autour de nous, entre le postmoderne et le mouvement libertaire, l'audience plus large pense que vraiment les postmodernes et le mouvement libertaire sont des choses qui sont... C'est ça que je ne comprends pas. Excuse-moi Tu veux répondre ? Oui, rapidement. C'est ce qui est certain, c'est que de la même manière qu'on peut dire que Nietzsche pourfend l'anarchisme, s'en prend à l'anarchisme violemment, Foucault a un texte dont on a publié ses cours au Collège de France, « Il faut protéger la société », où il a des phrases extraordinaires, du genre dans le socialisme, les seuls qui ont été racistes, c'est les anarchistes, on ne sait pas pourquoi, donc il attaque très violemment les anarchistes. Donc Foucault rejette l'anarchisme pour des raisons qui sont obscures en l'occurrence. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'anarchie où ils n'ont pas été, je dirais, le peuple tout à fait, ils n'étaient pas sûrs, Proudhon était antisémite, Marx aussi. Marx aussi. Bakounine, c'est que, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais il y aurait beaucoup à dire. Non, mais c'est pas ça. C'est un exemple. C'est un exemple. Alors, sur Deleuze, c'est sûr qu'il y a un enjeu. Ce qui est certain, c'est que sur Deleuze, il y a un enjeu, puisque Deleuze a d'abord été repris. Deleuze, il s'est politisé. Enfin, il est sur notre planète. Donc c'est en 68, ou dans les années 60, qu'il s'est politisé. Enfin, qu'il a été pris dans une logique politique. Donc ses adversaires, souvent les anarchistes, se disaient pas anarchistes. Donc il s'est fait attaquer par un autre philosophe qui s'appelle Badiou, un communiste radical, là, qui les appelait les anarcho-désirants. Ce qui est un très beau titre, il les appelait Lyotard et anarcho-désirants. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt des marxistes, comment dire, il y a un courant marxiste, vous voyez, Tony Negri, je ne sais pas, Tony Negri, ou Badiou. Il n'est pas très bien en français, Tony Negri. Si, ben, il a écrit, il essaye de se poser comme le Marx des temps modernes, là, avec pas Multitude, mais l'autre bouquin, Empire. L'Empire. Et puis, donc, des gens qui... Les revues, c'est la revue Multitude, qui est négriste. Donc Negri, c'est un théoricien italien qui a été proche des courants armés. Mais enfin, la situation de l'Italie est compliquée à l'époque. Donc ces gens-là, c'est vrai que Guattari, parce que il y a beaucoup à dire sur Deleuze, qui s'est associé à d'autres, qui a écrit des livres avec d'autres, en particulier avec Guattari. Et Guattari était psychanalyste, mais un psychanalyste complètement atypique, et il était la gauche communiste. Enfin, il vient de la gauche communiste. Il a écrit « Psychanalyse et transversalité », qui est un recueil de textes. Moi, quand j'ai lu ça avant Deleuze. Quand j'ai lu ça, ça a dû paraître en 72, non, 74. C'est très lisible. Sur Hispano-Suiza, sur... Deleuze, alors simplement, moi je peux vous assurer d'une chose, c'est que Deleuze est très dur à lire, mais c'est qu'il dit des choses, voilà, c'est comme un poète, si vous lisez un poète, c'est pas toujours évident à comprendre. Je vous assure, accrochez-vous, ça vaut le coup, mais ça plaît ou ça plaît pas. Est-ce que le problème de, j'ai pas répondu, de la philosophie de la poésie, c'est que la philosophie, quand même, est censée au même lieu des idées, la poésie, on peut se laisser aller à la multiplicité des sens. Donc, on peut apprécier la poésie dans une langue qu'on ne connaît pas parce qu'il y a une musique des mots. La musique des mots de Deleuze, c'est quand même autre chose. Oui, sauf que je pense que Deleuze, il écrit bien, mais surtout, c'est une philosophie, comme c'est pas une philosophie. Elle défend ce rationaliste dont on a parlé tout à l'heure, c'est un rationaliste qui tient aux choses et aux désirs. Donc ça veut dire que l'idée l'emporte tout. Donc il essaye de dire quelque chose. Vous avez toute la philosophie anglo-saxonne analytique, c'est une philosophie de la logique, du langage, c'est une philosophie où tout est dans les mots, hein, un peu comme certains. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens ici, mais. Vous voyez bien que vous avez une si vous êtes dans les sciences, dans les mathématiques, vous voyez bien, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le livre de Gilles Châtelet, Les enjeux du mobile, il explique très bien ça, c'est-à-dire comment Cavaillès, il a sorti un Cavaillès qui est un philosophe des sciences et des mathématiques, et qui est mort, parce qu'il a fait de la résistance, alors voilà, Cavaillès qui avait un avenir devant lui. Il faisait des mathématiques, c'était un grand philosophe, il a 35 ans, 36 ans, il s'engage dans des réseaux de résistance à la mort moelle-neuve, et il meurt fusillé. Ça, c'est pas très rationnel comme comportement, si je puis dire. Bon, et donc, en mathématiques, il produit le concept de geste, le geste mathématique. Donc l'idée que l'invention mathématique est porteur d'une idée qui dépasse donc la création... en mathématiques, relève de la poésie et relève d'autre chose. Vous savez que l'école mathématique en France, la recherche en mathématiques, l'école française a un certain prestige mondial. Mais l'école française est en train de mourir. Pourquoi elle meurt? Parce qu'on n'arrive pas à recruter des chercheurs en mathématiques. Pourquoi on ne trouve pas de chercheurs en mathématiques? Parce que les mathématiques de l'école de Jules Ferry, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des mathématiques qui font une sélection sociale, comme l'allemand a pu le faire, mais hélas, c'est fini, je suis désolé. Les mathématiques, c'est-à-dire que les mathématiques telles qu'elles sont pratiquées dans le secondaire ne peuvent pas produire un chercheur. Parce qu'il y a l'invention mathématique, et Deleuze, c'est un homme, il invente des concepts doubles. L'invention mathématique, c'est des diagrammes, et c'est pour ça que le Cavaillès a inventé la notion de geste, c'est-à-dire que j'ai l'idée, et c'est, alors ça, moi ça me semble anarchiste complètement, c'est-à-dire que l'idée c'est pas un mot, c'est une intuition, c'est vrai que c'est un courant philosophique particulier. Donc vous avez le geste mathématique, et après vous avez les tâcherons, alors j'espère que vous dans les sciences que vous faites, vous n'allez pas être un tâcheron des mathématiques, parce qu'après le tâcheron il démontre, après le tâcheron il met en, c'est Staline, secrétaire du parti communiste Lénine, il avait un côté, le secrétaire c'est celui qui donne les pensions, qui gère le fichier, vous voyez, enfin le CIRA peut-être, qui c'est qui gère le fichier. Justement, je voulais intervenir pour préciser un truc, parce que c'est pas que ce soit Gilbert, toi qui es galant, tu laisseras à un moment la parole à Marie-Bonne. Moi, je veux dire deux choses. Pourquoi vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde aux organisations, etc. Non, moi je. Parce que tu as l'air de penser d'être venu pour retrouver une réponse, peut-être ici il y a la réponse. Non, bien sûr. On est un centre de documentation et peut-être un peu des débats pour réfléchir sur tel ou tel sujet et apporter. Non, c'était juste pour. Chaque membre est en droit, par ça, libre de faire ce qu'il veut dans la société. Non, mais j'entendais, c'était juste pour venir un peu me documenter, pour apprendre, je n'ai pas de réponse à trouver. Nous sommes pas une organisation politique au sens politicien du terme. Si tu veux trouver une autre librairie, tu as Ami Babor là aussi, il y a des revues, des journaux anarchistes, c'est dur d'être jeune, alors. Il y a des fois, le président te donne la parole. Bon, ben, c'est bien, parce que, en fait, j'ai demandé la parole juste. Julia est partie sur les maths, et c'était exactement là-dessus que je voulais partir, donc, très bien. Parce que je suis prof de maths. Dans le secondaire, pardon. Mais les gens du supérieur, ils se la pètent toujours un peu. Je souscris complètement à ce que tu as dit, de toute façon, pas de soucis. Et en fait, c'est bien, parce que tu as un peu lire tout à l'heure, tu m'as reprise sur le fait que je suis partie sur éthique, parce que Voltaire avait employé ce mot. Donc on peut partir de là. Bon, d'être éthique, on imagine quelque chose d'écrit. Effectivement, après, tu es partie un peu sur une vision manichéenne, le bien, le mal, etc. Bon, c'était pas du tout là-dessus que je voulais partir moi. Quand je disais les petits noms de tous les jours, etc., ben, c'est des petits noms que tu dis toi, c'est personne d'autre qui les a dit avant. Moi, j'ai à peu près rien lu, on va dire. Ça fait pas, mais je n'ai pas lu les contextes fondateurs, etc. Bon. Donc, je me réfère à rien de spécial, si ce n'est à mon petit parcours à moi, depuis le temps que l'anarchie, je la connais, on va dire. Et alors, justement, par rapport à ce que tu disais, toi, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai l'impression que tu disais. Bon, bah alors moi, en tant que scientifique, hein, la nature, machin, dedans, il y a le pouvoir, il y a tout ça, il y a la hiérarchie. Moi, c'est ce que j'ai compris, alors j'ai peut-être mal. C'est vrai, généralement, on va être plutôt rigoureux. Voilà, et alors, donc justement, moi, je voulais dire, bon, ben moi, les maths, j'aime bien les maths, j'aime beaucoup les maths, et au plus j'avance, au plus je me dis que ce sont les maths qui m'ont amené à l'anarchie. Alors, j'ai mis du temps à y arriver, hein, parce que depuis le temps, on me dit attends, au CIRA, tu pourrais nous faire une conférence sur maths et anarchie. J'ai dit, les mecs, mais la substance, je n'ai pas trouvé encore. Bon, de là à dire que j'ai de la substance pour une conférence, loin de là. C'est tout petit comme ça, c'est une toute petite idée dans mon cerveau. Peut-être que d'ici 75 ans, je l'aurai développé, je ne sais pas. Mais, bon. Donc, à ce moment-là, bien sûr, je ferai une conférence, il n'y a pas de souci. Mais quand même, les maths, pour moi, bon, je suis passionnée de maths, évidemment, tout autant que pédagogie. Et je sais pas, voilà, pour moi, l'anarchie, c'est évident. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que quelque part, ce sont les maths qui m'ont amené là. C'est évident, tellement évident que je comprends pas pourquoi On peut pas l'être. Oui, il y en a qui sont. Et donc ça rejoint quelque part, on fait le pont là avec cette histoire mythique et tout ce qui s'ensuit. Parce que il n'y a pas besoin de se tordre le cerveau le matin en se levant pour savoir où est-ce qu'on va dire oui, où est-ce qu'on va dire non et où est-ce qu'on va dire peut-être. Parce que, et là aussi je rebondis sur ce que tu as dit, évidemment les anarches sont pas des surhommes, des surfemmes et des surêtres. On ne prétend pas avoir trouvé la vérité, etc. Mais au contraire, moi je trouve que ce qui fait notre force, c'est aussi qu'on se pose des questions en permanence, tous les jours, sans arrêt. Et c'est le fait de se poser des questions en permanence qui amène le bon nom, le petit nom dont je parlais tout à l'heure. Bon, là j'ai fait un espèce de mal de l'aile, hein, mais bon, voilà. Ouais. C'est plus ouais, pas bien pensé, je pourrais être la meilleure fois sur moi. Non, juste, mais alors ça, c'est parenthèse de chez parenthèse. Complètement d'accord sur le système scolaire qui brise les cerveaux plutôt que toute chose. Et effectivement, on est mal parti. Alors là, les petits commerces sont dans la rue en ce moment. Ouais. Et on est encore plus mal parti pour fabriquer des gens qui pensent, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'est bon, plus que parenthèse. Bon. Il y a des demandeurs. Je veux reprendre la parole. Juste une dernière fois pour voir si en fait je crois que j'ai pas parlé avec. En fait, j'aimerais première question, c'est tout à l'heure vous avez parlé d'Aïnis, donc l'harmonie préétablie. Et je crois que c'est ça donc les monades et le vrai conscience pour moi de ce que je sais. Mais ça justement, j'ai du mal à voir comment ça peut rejoindre l'anarchie. Au contraire, ça a l'air justement d'être assez carré. La réponse est... Tu réponds ? Oui, c'est sûr. Non, justement, c'est ça, c'est Leibniz. Donc, Leibniz, en gros, il dit que toute chose possède tout, elle a besoin de rien d'autre, et elle est auto-fermée sur elle-même, les monades ne communiquent pas entre elles. Enfin, c'est compliqué. Ah oui, en fait, là, ça rejoint la liberté d'autonomie. Dans... Voilà. C'est-à-dire que ce que dit Proudhon, il dit qu'il faut prendre Lénine au sérieux. Il faut prendre. Ah ouais, les lapsus. Je suis démasqué. En fait, je suis un communiste camouflé. Je noyote. Ça fait 40 ans que je noyote. Voilà. Non, il dit Proudhon, il faut prendre Leibniz au sérieux. C'est-à-dire que Leibniz, il est conformiste. Leibniz, il est fou. Voilà, ça, c'est la grande qualité de Leibniz, c'est qu'il invente une théorie. Si vous plongez dedans. Car lui-même n'a jamais écrit un grand livre, hein, il a fait des tas d'opuscules, mais en même temps il est du côté du pouvoir, il défend Dieu, donc il défend l'harmonie préétablie, il défend la raison suffisante, c'est-à-dire que toute chose est dans Dieu, etc. Mais il affirme que Dieu est tellement puissant, donc vous aviez raison de parler de Dieu tout à l'heure, excusez-moi, c'est-à-dire que Dieu est tellement puissant qu'il autorise un désordre qui est en fait des horloges, tout marche en même temps, les trains arrivent à l'heure, enfin, c'est la direction de la SNCF ou des horloges. Mais ce que Proudhon dit, c'est qu'il dit, si vous prenez la théorie de Leibniz, enlevez Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est ça l'anarchie. C'est qu'à ce moment-là, si vous enlevez Dieu, vous gardez l'autonomie absolue des êtres et vous obligez, et c'est ça le problème des êtres humains, c'est-à-dire que les êtres humains, une fois, on peut penser qu'il faut Dieu. Moi, je respecte, enfin... Bon. Et une fois qu'on enlève Dieu, on le remplace, ce que disent les anarchistes, c'est qu'on le remplace par un substitut de Dieu. C'est l'État, c'est le droit, c'est le parti, c'est... Or, les anarchistes, je ne veux pas défendre, on a l'air de défendre notre boutique, là, mais c'est... Moi, ça me paraît, je suis d'accord avec toi, c'est que ça me paraît tellement lumineux, c'est qu'il faut vraiment, et c'est ce que dit Nietzsche et les autres, c'est que Dieu... Il faut vraiment, une fois qu'on a débarrassé, les êtres humains, ils sont obligés de faire vraiment avec eux-mêmes. Et c'est là où Proudhon reprend Leibniz et dit, eh bien, il faut que les êtres, et c'est le sens pratique, c'est pour ça que ce n'est pas de la philosophie ou de la théorie. C'est-à-dire que dans la vie, il faut favoriser les bonnes rencontres. Quelles sont les rencontres qui développent une joie plus grande ? Ça, c'est Spinoza. Donc le fédéralisme, c'est ça, je m'associe avec d'autres, et puis je vois ce que ça donne. Faire le CIRA, c'est s'associer à plusieurs. Faire plaisir. Voilà, alors c'est pas toujours plaisir, mais enfin, la griffe, par exemple, j'aurais beaucoup à dire, mais sous-entendu, on peut se défédérer dès que. Donc ça veut dire je ne sais pas si vous connaissez un sociologue, philosophe des sciences, qui s'appelle Bruno Latour, je ne sais pas si vous connaissez, donc il a écrit pas mal de livres, où Bourdieu avait un peu la même position, c'est-à-dire quand il pose la question, mais les écologistes la posent des fois cette question, quand on dit dans quel monde voulons-nous vivre? Alors il y a la question d'un monde qui risque d'être détruit complètement, mais dire dans quel monde on veut vivre, c'est poser la question de l'autonomie absolue des êtres, qui s'associent entre eux, où il n'y a plus d'harmonie préétablie. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'harmonie préétablie. L'harmonie, elle est construite. Et ça, c'est un athéisme réel. Mais l'athéisme réel, et c'est pour ça que Bakounine écrit Dieu et l'État. C'est pour ça que Proudhon dit les trois puissances et le capital. Le capital, vous voyez bien que ça unifie tout. Hein, le capital, toute notre vie. Vous avez vu ce film, Le cauchemar de Darwin. C'est quand même. Vous voyez bien comment la vie des petits poissons. Et des enfants et du lac Victoria, c'est commandé par un dieu. Le capital, c'est un dieu nouveau, c'est le dieu du marché, hein, qui régule tout ça, comme c'est une harmonie préétablie. L'État, le capital et Dieu. Voilà, Proudhon, il dit ça, il dit qu'il faut supprimer les trois, et c'est le fédéralisme. Une question par rapport à ça, c'est. Comment on peut expliquer à la fin la dissolution, enfin, la récupération plutôt des idées anarchistes par, si j'ai bien compris dans le lexique, ce que vous appelez les libertariens? Parce que là, c'est assez impressionnant de voir la façon dont justement le marché est capable à un moment donné de récupérer la philosophie anarchiste. Ah non, mais ils ne récupèrent pas la philosophie anarchiste. Ils prennent dans l'anarchisme l'anti-étatisme. Donc au moins, il lutte contre un dieu, sauf que dans les libertariens, l'État a l'air de disparaître, mais c'est pas vrai, c'est un dieu féroce qui se met à exister. Si on peut développer ça, les libertariens, parce que je trouve ça très intéressant dans le livre, et j'ai l'impression que, ben, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, ils sont complètement libertariens. De prendre le pouvoir. Ben, les libertariens, c'est ceux qui défendent justement un libéralisme absolu, mais qui supposent. Et Gilles Châtelet, qui a écrit sur les maths, qui est un mathématicien, qui a écrit un autre, il aborde cette question. C'est que les libertariens, ils disent qu'il ne faut pas d'État, mais en fait, je vais peut-être dire des conneries au point de vue économique, mais les libertariens, ils rétablissent deux choses. Ils rétablissent, en fait, un État caché, féroce, c'est-à-dire que c'est un État c'est un état d'une violence inouïe, parce que pour que la liberté libérale fonctionne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'individu, ça suppose une dictature épouvantable. Rien ne doit dépasser. Hein, vous devez aller au supermarché, à l'heure dite, et celui qui fait un pas de côté, qui a les cheveux un peu longs ou qui ne se paye pas, il devient un danger public, parce qu'il ne consomme pas ou je ne sais pas quoi. Donc les libertariens, c'est un État policier, en fait, hein, un État féroce, caché, avec des milices et autres. Le deuxième chose, c'est un dieu. Donc là, ils reprennent ça, l'anarchisme, ils disent qu'il ne faut plus d'État. C'est déjà un mensonge, parce qu'en fait, ils sont contre les services publics, en fait, l'État... On pourrait dire ça. Donc ils réduisent l'État, voilà. Réduisent à l'État minimal. C'est l'État minimal, féroce. Il vient depuis les années 1800, enfin, 1830, 40, avec Spooner, je crois, aux États-Unis, à peu près, il y avait des trucs comme ça déjà. Étonnant. Mais en fait, parce que je pense que c'est des glissements de sens. Hein. C'est-à-dire que sur une idée de la liberté, donc par exemple, le marché libre. Hein, par exemple, dans l'international, la visée du communisme, c'est comme des travailleurs libres qui s'associent avec d'autres travailleurs libres. Donc, je vois sur les mêmes mots, je dis, bon, ça va, on est tous d'accord. Hein, je veux dire, et puis on y va. Le problème, c'est l'éclissement de ça, parce que c'est pas la liberté comme ça. Quand tu parles de la commune, c'est pas la liberté. C'est pas qu'il nous décède une liberté qui nous est donnée par Dieu, etc. La liberté, c'est voilà, c'est dans un monde social, c'est des rapports sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Quand tu n'as pas la liberté de travail, enfin, je veux dire d'exister, des trucs comme ça. C'est ça. Et puis, effectivement, alors libertarien, là, c'est réduire en état minimal, c'est-à-dire uniquement pour le respect des contrats, c'est-à-dire des contrats commerciaux. C'est un minimum, je veux dire, de règlement, etc. C'est l'État à sa réduction minimale pure et dure. L'État qui s'est développé là, effectivement, il s'est développé parce qu'il y a eu une lutte sociale au tout 19e siècle. Et justement, c'est en ce sens qu'on vient un peu aux politiques, c'est-à-dire qu'il y a eu un socialisme politique qui a récupéré les rapports de force, je veux dire, du monde social, pour les étatiser, la sécu, etc., c'est les courses du travail, etc. Non, je crois que il ne faut pas se focaliser sur l'État. Qu'ils sont effectivement l'ethnisien, par certains côtés. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'idée que le Dieu, c'est vraiment le marché. C'est-à-dire que tout s'unifie. C'est-à-dire que la singularité va disparaître par l'unification du marché. C'est-à-dire que vous allez au lac Victoria, vous l'avez vu ce film sur le cauchemar de Darwin, allez le voir. Donc sur le lac Victoria, vous avez plein de d'anicroches. Hein, il y a cette prostituée extraordinaire qui est assassinée par un camionneur australien. C'est un documentaire, hein, je vous signale, c'est pas un film. Vous avez ceux à qui il manque une jambe, ceux qui... Non mais allez voir ce film. Hein. Le marché va régulariser. Le marché aplanit le marché. La prostituée, elle finit par mourir. Il faut espérer qu'elle morte, on sera arrivé à la mettre dans de la glace pour lui récupérer son rein, qui pourrait être vendu aux États-Unis pour sauver un enfant aux États-Unis, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que le marché balaye sous les tapis, etc. Donc il y a un dieu qui régule. C'est une espèce de lesbianisme tordu, perverti, qui fait que c'est un dieu invisible, mais un dieu féroce à cause de l'État, mais c'est aussi un dieu féroce parce qu'il élimine, il ouvre des asiles ou je sais pas quoi, enfin bon, il recycle tout, voilà, il recycle même les produits. C'est la première chose, et la deuxième chose, c'est l'invention d'une espèce d'individu qui est l'inverse de l'individu stirnerien. C'est-à-dire que l'individu stirnerien, c'est la subjectivité absolue, c'est l'idée que je suis je suis complètement singulier, d'une originalité totale. Alors que l'individu, alors c'est Châtelet qui le montre, ce mathématicien, c'est que l'individu du libertarien, c'est un individu qui a l'illusion, ce que tu disais d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il a l'illusion d'être singulier, il a une formule, j'ai essayé de mettre dans le lexique, il parle de boules de billard pathétiques qui passent leur temps à se déplacer pour se différencier, vous voyez, entre elles. En fait, c'est des boules de billard, toutes sur le même modèle. Donc c'est... je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Donc le libertarien, c'est contraire... Enfin, c'est vraiment un travestissement, c'est effectivement une appropriation du mot, mais moi ça me semble contraire complètement à la. Je pense que c'est une idiote, avec les philosophies des Lumières, etc., sur les notions de commerce, de liberté, etc., c'est dans le sujet, après, effectivement, ça part un peu dans tous les sens, effectivement, je me propose de marcher comme la liberté maximale. Et c'est vrai que, ouais, c'est la liberté de l'étudiant, en fait. Et des gens qui repensent que c'est un anarchiste, des promoteurs du marché, du libertarien, etc. Mais le problème, c'est qu'ils oublient toute l'histoire, c'est de l'action directe, de la solidarité, je veux dire, que c'est pas le marché qui est au-dessus, comme ça, c'est les individus qui entrent dans des rapports entre eux-mêmes avec ce qu'ils sont, quoi. Encore une fois, ni surhomme, surnaturel, mais comme ça, avec des faiblesses, des défauts, etc. Mais au moins, c'est eux qui s'approprient leur expérience, leur devenir et qui font. C'est pas au nom de. Comme je disais tout à l'heure, c'est abolir toute forme de transcendance, que ce soit Dieu, le marché, l'État, etc., qui vient comme ça nous imposer, je veux dire, des finalités. Et comme on disait, à l'absence des origines, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'origine ni de paix, c'est tout est en devenir. Donc ça, là, si vous voulez, une philosophie comme ça libertaire, c'est que tout devient, tout devient des rapports de force, que ce soit dans le social, ou même dans le domaine de la physique, de la nature, quoi. Mais justement, c'est pas seulement des rapports de force brutaux, il y a de la complexité de l'organisation, et c'est toujours des rapports interactifs, quoi. C'est pas ni le bien ou le mal, c'est une complexité, quoi. C'est autre chose, quoi. Et là, nous, en tant qu'individus, je pense ça, mais tu y es dans la nature et tu ajoutes quelque chose d'autre qui t'a pensé, mais genre, c'est pas évident, c'est sûr. Mais ça, c'est pas le fait d'un défaut de la philosophie anarchiste, hein. C'est le problème du monde, quoi. Même la science pose des questions, sinon c'est du scientisme. Hein. Quand tu dis une contradiction entre le modèle de la gravité et le modèle quantique, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc dès qu'ils arrivent à d'autres choses, où c'est 10 en deux dimensions, des multiples univers, c'est pas le devenir, ça. Je veux dire, c'est quoi, c'est l'histoire, si c'est l'ouverture, c'est le possible. Mais on ne peut pas savoir, effectivement. Mais tu fais bien moins. Je pense à un exemple, je ne sais pas si y en a qui sont étudiants ici, mais dans la réforme LMD, on voit bien que le but, je ne sais pas si les masters professionnels, vous en connaissez, non, dans un master professionnel, par exemple, nous à Saint-Étienne, il y a des masters professionnels où on va permettre à un étudiant, on s'aperçoit qu'il y a un débouché possible sur le transport des tableaux d'un musée à l'autre. Donc on va faire un débouché, on va créer un master professionnel uniquement pour répondre à ce besoin précis qui est de former. Donc ça veut dire que ça va durer très peu de temps. Donc ça veut dire que l'étudiant, on le forme pour qu'il soit polyvalent, fluide, et qu'il ait plus de consistance propre par rapport à l'université, où au contraire il y avait de l'indétermination dans le... Non, je ne suis pas clair. Je patine. Je crois voir un peu ce que vous voulez dire. Enfin, moi, pour l'instant, là, j'étais en fac de médecine. Et j'ai vite fait de me barrer parce que, franchement, tout ce que c'était, ça m'a pas compris. Oui, les gens se piquent leur... se crèvent les pneus. À Saint-Étienne, il y a quelqu'un qui a eu ses pneus. N'importe quoi. Et bien, pour lui dire dans le cours... En fait, moi, maintenant, je vais partir parce que bon, moi, j'aime bien la biochimie, tout ce qui est biotechnologie. Bon, je ne suis pas forcément pour les OGM, mais c'est vrai que ça m'intéresse quand même. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. Une espèce de master professionnel, ce que je veux faire. En fait, j'ai 2 ans de fac en biochimie. Puis après, j'ai une espèce d'école d'ingénieur en 3 ans, mais je suis considéré comme un master. Votre vie est toute tracée, ne vous inquiétez pas, vous allez pas passer d'un camp de concentration au lac Victoria, aux savonnettes, enfin ça a un rapport d'ailleurs. L'essentiel c'est d'être techniquement... La différence c'est que toi tu as organisé la technologie. Non, ça sera un rouage, ça va être un rouage, il aura une villa, ça sera la même villa, mais en Tanganyika, où ça sera la même, comme les hôtels c'est les mêmes, vous voyez. Vous allez d'un hôtel à l'autre, les gens qui circulent. On plaisante. On est en partie aussi la société parisienne. On en a la parole à Jacques. J'ai écouté un peu tout le monde, ça fait plaisir. Ce qui m'a frappé, c'est la sécurité. Personne. À mon début, au commencement, j'ai dit pourquoi j'étais anarchiste. Je pense que vous n'avez pas compris pourquoi je suis anarchiste. Parce que tout le régime, communisme, socialisme, tout ça, ils l'ont fait faillite. Vous continuez à être communiste. Alors, je reproche beaucoup de choses que vous avez fait. Mais justement, le communisme, il a été faussé par les communistes. C'est une tromperie qu'ils ont fait. Ils ont retardé notre société de 200 ans. Le communisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les choses en commun. Ça ne veut pas dire en nom d'un parti ou en nom d'une caste comme c'était le communiste russe. Nous, on est pour le communisme, on est le communisme libertaire. Le vrai communisme, c'est le communisme libertaire. Pas la dictature du prolétariat. Je pense que vous n'avez pas compris encore. Non, mais non, je suis contre la dictature, moi. Alors, c'est les communistes modernes. Je vais répéter, c'est vrai, parce que vous connaissez. Jacques, ton truc sur utopiste, c'est pas possible. Moi, je vais vous citer une phrase de quelqu'un qui est plus intelligent que moi. Nos préjugés sont plus difficiles à détruire que la désintégration de l'atome, puisque vous étudiez. Qui c'est qui l'a dit ça? Vous savez pas, Einstein. Einstein. Bon, celui qui a dit ça. Donc, vous vivez dans ce préjugé que le communisme va assez bon et que le reste, c'est pas possible. Alors, l'anarchie, qu'est-ce que c'est l'anarchie? Voilà, je vous en donne un petit. Vous la pratiquez là. En Espagne, on n'appelait pas l'anarchisme. Ce n'était le but, c'était un communisme libertario. Le communisme libertaire, pas la dictature du prolétariat. Vous avez vu ce que ça a donné, la dictature du prolétariat, 60 millions de morts, une catastrophe totale. Et actuellement, le parti communiste, quand il présente les élections, qu'est-ce que c'est qu'il vote le communisme? Ben, il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis. Voilà ce que c'est l'anarchisme et votre communisme. J'espère que vous avez compris. Donc vous n'avez pas intérêt à répondre. Je ne suis pas contre l'anarchie. On vous laissera sortir. Mais on fait mieux que ça, il faut aimer l'anarchie. J'ai 90 ans, moi. Alors pourquoi je serais aussi con de continuer à croire comme un congédié? Je ne suis pas con encore. Alors, pour être fou, pour croire ce que vous dites. Il y a 90 ans? Vous avez vu ce que ça a donné? Ouais, 60 millions de morts. Alors, c'est ça le communisme, merci. Non, donc, mais il y a 36 sortes de communistes. Oui, oui, vous pouvez y aller. Pardon? Mais, donc, il y a quand même presque que je ne suis pas. Enfin, ça dépend lequel. Hein? De quel anarchisme parlez-vous? En général. Parce que là, pour le coup, je n'ai pas choisi. Bon, en fait, on va devoir y aller, quoi, parce que c'est un peu la bourre. Mais j'aimerais terminer parce que tout à l'heure, vous étiez en débat sur. Un peu, j'ai l'impression, si Nietzsche était pro ou anti-anarchiste, j'avais l'impression. Et une phrase qui revient de Nietzsche, déjà entendue, c'est « Les animaux ont des troupeaux et les hommes ont des états. » Pardon ? « Les animaux ont des troupeaux, les hommes ont des états. » Oui, il y a des textes très anti-étatiques, les plus beaux. C'est plutôt quand même anarchique. Oui, oui, complètement. Ils disent, je donne des citations là, de Nietzsche, où il y a ce monstre froid, mais il y a autre chose, il y a la définition de l'État où il dit, il l'attaque en disant, il parle au nom des choses. Enfin, il a des phrases extraordinaires. Enfin, il dit aussi d'autres choses. Ouais. Mais est-ce que Nietzsche, justement, c'est sa façon de penser qui est anarchiste? Oui, voilà. C'est mieux qu'il ne surtout pas être Nietzschéen. C'est pourquoi c'est un peu une contradiction de dire être anarchiste. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est dangereux, voilà. L'idée, la pensée anarchiste, c'est plutôt de dire de penser d'une façon anarchiste, d'agir, d'être membre d'un club anarchiste quasiment. Et peut-être ça, c'est où Nietzsche, qui évidemment avait ses contradictions et qui aimait beaucoup ses contradictions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des paradoxes chez Nietzsche. Mais donc, c'est sa façon, à mon avis au moins, d'aller très loin dans sa pensée, de voir de différentes perspectives la vie. Il touche l'anarchie, la façon d'anarchiste souvent. De la même façon, il était parmi tous les penseurs de cette époque un des premiers anti-antisémites. Ouais. C'est-à-dire qu'il était. Oui, clair sur ce point, où les autres penseurs n'étaient pas aussi clairs que lui. Voilà. Donc, moi, ça m'intéresse. Moi, je suis anglais et j'assiste la première fois ici. Et de côté, disons, entre philosophie, je suis vraiment d'accord avec ce que... entre philosophie et action, parce que ce qu'on a vu d'action anarchiste à part en Espagne ou en Ukraine dans le passé, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples. Ah, si, il y a tous les mouvements ouvriers. Oui, oui, mais disons, il y a eu une tendance anarchiste qui a eu une énorme influence sur le mouvement ouvrier. Mais une tendance anarchiste. C'est-à-dire que, disons, que chaque fois qu'il y avait un problème, donc type étatiste, etc., il y avait heureusement des personnes de pensée anarchiste qui ont pu changer le cadre. Mais c'est vrai que, disons, ce qui s'est passé avec Macron, ce qui s'est passé en Espagne, c'est des bons sujets à étudier. Mais est-ce que étudier les grandes pensées anarchistes sert pour penser d'une façon anarchiste aujourd'hui? Étudier les penseurs anarchistes. Oui. Parce qu'ils ont eu peut-être une certaine valeur à leur époque. Il y a eu plein de contradictions dans leur pensée aussi. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de penser anarchistiquement aujourd'hui et de trouver peut-être des meilleurs modes de... Alors, je pense que Proudhon ou Bakounine, les auteurs anarchistes, ils ont dit beaucoup plus que ce que le mouvement anarchiste a recueilli de ce qu'il disait. Si on adopte le point de vue nietzschéen, tous les points de vue et perspectives, moi la position que je défends, c'est que d'une certaine façon, pour comprendre Deleuze, pour comprendre Nietzsche, il faut aussi prendre le point de vue de Proudhon et de Bakounine, et pour comprendre et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que moi je me sens effectivement sans doute très nietzschéen. C'est en multipliant les perspectives, mais on voit bien que le fédéralisme c'est ça aussi, c'est en multipliant les perspectives qu'il y a quelque chose qui prend corps. Alors moi je pense qu'il y a une cohérence anarchiste au sens qu'elle est pleine de contradictions et d'antinomie, si c'est le cas de Proudhon, qui prend corps, qui va, pour ce qu'on connaît de l'Occident proche, ça va de Spinoza à Nietzsche, à Leibniz, etc. Et si on met tout ça en rapport avec un certain nombre de choses, y compris le mouvement ouvrier, on a quelque chose qui est une force très grande. On peut vivre dans un monde épouvantable où on serait avec Descartes, Kant. Je ne sais pas si vous voyez, il y a de quoi mourir. Une des choses, c'est que, à mon avis, je ne vais pas seulement quelques petits points, mais parce que là, en Angleterre, évidemment, on pense beaucoup à Godwin, on pense aussi à Shelley. Ce qui est intéressant aussi, je pense. Godwin, disons, on le prend pour un des penseurs anarchistes avant Proudhon, qui s'est dit anarchiste. Mais il y a toute une tradition libertaire, je dirais, dans la pensée anglaise, et avec les Degas, avec différentes. Il y a des mouvements qui ont marché avec des systèmes de pensée anarchiste dans tout le passé anglaise. Mais il y a eu un grand problème de changement avec la révolution industrielle. Mais les grands penseurs à l'époque libertaire, il y avait souvent le problème de permettre aux paysans d'avoir un rôle plus important avant qu'il y ait les ouvriers d'usine, mais aussi la femme. Le rôle de la femme. Et ça, c'est toujours un truc que je me toujours perturbé dans la pensée anarchiste, c'est que, comme un peu la Nouvelle-Sicilia en Amérique du Sud, tout va bien, sauf que quand il y a un problème de la position de la femme. Ah ouais, elle complique tout, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que, disons, on va prendre du temps. Peut-être, je suis sûr qu'on va trouver des solutions et pour mieux travailler, de mieux trouver des associations, de fédéraliser. Et déjà, on vit dans une anarchie, parce que, disons, même avec tous les droits et nos emmerdes et tout le reste, nous vivons une anarchie aujourd'hui. Et disons, sans eux, ça pourrait être encore, disons, ça serait beaucoup mieux. Mais le problème de la femme, ça reste un problème. Libre amour et tout le reste pour les hommes, je ne sais pas si ils sont d'accord. Je crois qu'il y a une amie ou une copine, je ne sais pas comment le dire, qui proteste contre ce qu'elle a entendu à propos du féminisme ou des femmes. Tu veux la parole? C'est Sylvie, c'est Isabelle. Hein, parce que j'ai vu qu'elle faisait un geste de dénégation. Chalet a dit que... Isabelle. Ah, c'était pour avoir de l'air. Chalet disait que même pas être libre si la femme est esclave. Donc il a dit ça en 1812. Et donc sa belle-mère, qui était morte déjà, la mère de Mary Wollstonecraft, c'était une des premières à écrire sur la liberté des femmes. Et c'est vrai que les autres, on commence à bâtir les idées d'une société anarchiste, le grand problème, c'est que le couple. Oui, je voudrais intervenir. Avec une petite anecdote, mon compagnon a été invité à venir participer à un meeting des copains espagnols de la CGT. Il était connu pour son action pendant la Deuxième Guerre mondiale, son engagement. Et quand les copains sont venus, j'étais témoin, c'est ça que je peux raconter ça. Quand les copains sont venus le voir, avec force ambassados, allez, viens, on te connaît, et en fait, ils disaient, écoutez, si je dis ce que je pense maintenant, ça va pas aller, genre, dans votre médecine, je vais vous dire des choses qui vont vous embêter. Et mais non, c'est pas possible, viens. Alors, puis, vous, le moment est toujours voulu, il accepte, il vient, et il intervient à la tribune. Alors, il est intervenu entre la situation de l'anarchie, la protection de l'ordre, puis bien d'autres choses, le mouvement social, comme les petites rivières qui se jettent dans le fleuve, et ensuite, etc. C'était très beau, c'était très politique. J'avais un copain espagnol à côté qui me traduisait, c'était passionnant, très bien. Et on parlait des luttes sociales. Oui, on en fait intérieur, et donc il dit voilà. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes, c'était dans les années 70. Il y a la lutte des objecteurs de conscience pour ne pas être obligés d'aller à l'armée, pour ne pas s'envoler, pour ne pas tuer, être tué pour des idées qui ne sont pas là, pour les marchands de canons. Et il y a la lutte des femmes pour concevoir quand elles veulent concevoir et pour avoir une égalité réelle dans la société. Et il se permet d'ajouter que cette assemblée était constituée presque intégralement d'hommes et où étaient les compagnes, des compagnes libertaires, ressemblant vraisemblablement en train de préparer le repas ou de repasser les chemises de leurs compagnons. Ça a fait mal, au point qu'à la sortie, on lui a dit, certaines femmes espagnoles, tu as raison, mais il ne fallait pas le dire. Et voilà. Voilà, et tout ça, bon, c'est une anecdote, elle me parlait de la suite. Il y a les luttes sociales, et dans ces luttes sociales, c'est très important, mais il y a soit en tant qu'individu, à côté des autres individus, qu'ils aient un sexe ou un autre, ou même deux éventuellement. Donc on parlait de la lutte des homosexuels. Oui, il y a des homosexuels de droite. N'empêche que leur combat. Il y a des ouvriers de droite aussi. Il y a des ouvriers de droite, et ça en fait beaucoup plus encore. Parce que la servitude est tellement plus commode. Et chaque fois qu'on est dans des luttes sociales, il y a, à mon avis, tout ce côté qui est mis à l'écart. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis moi dans ces luttes auxquelles je participe? Comment je vis au quotidien? Je vais à la manif, je vais au meeting, je paye ma cotisation syndicale éventuellement si je suis syndiqué et syndicaliste, je participe aux réunions. Et comment je vis au quotidien? Ce que disait Marie-Vonne, tous ces petits noms, ou ces petits oui d'ailleurs, à ceci ou à cela, qui vont faire comme un livre. Dans la mesure du possible, parce qu'on est dans le monde comme il est, on n'a pas encore réussi à le changer dans le sens qu'on voudrait, mais comment, quelle concession peut-on ne pas faire? Quel compromis peut-on éviter? Et justement, par rapport à la société de consommation, qui est quand même ce qui nous enferme, quel compromis peut-on éviter de faire? On ne peut pas éviter. Si on veut ne pas faire ses compromis, il faut réfléchir presque tout le temps. Et c'est là où je trouve que la philosophie au sens d'autrefois, on disait de quelqu'un qui était sage et philosophe, c'est en ce sens moi, que la philosophie anarchiste m'intéresse, c'est-à-dire comment penser sa vie et soi. c'est pour ça. Avant ça, sa philosophie, c'est ça. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est sur ce point, alors qui est vraiment très important, j'ai essayé de le dire au début. Je pense, il faut le dire très nettement, sur la question des femmes, c'est un bon exemple. Ce que j'ai essayé de dire au début, c'est que l'anarchisme, c'est un projet d'émancipation. Donc, ce n'est pas simplement philosophique, c'est un projet d'émancipation qui donc existe et se développe chaque fois qu'il y a un rapport d'oppression ou de domination, puisque le monde émancipé, c'est quand il n'y aura plus de rapport d'oppression qui font que ça pousse à vouloir s'émanciper. Donc, une fois qu'on a dit ça, je voudrais insister fortement sur deux choses. La première, c'est qu'effectivement, l'anarchisme doit fédérer et associer tous les mouvements émancipateurs, donc qui viennent de tous les points de vue, et l'émancipation, j'imagine qu'elle a une multitude infinie d'aspects. C'est la première chose. La deuxième, c'est que ces mouvements émancipateurs, ils sont égaux. Il n'y en a pas un qui l'emporte sur l'autre. Il n'y a pas de front secondaire et de front principaux. Donc ça veut dire que même les rapports individuels, je peux avoir mon foie qui se révolte contre... Non, l'inverse, ma tête qui a mal, qui se révolte contre mon foie qui... Non, l'inverse, le foie qui a mal, contre mon gosier qui aime bien le rouge, par exemple. Voilà, et bien l'émancipation jouera. Et donc, le dernier point que je voulais dire, c'est que... il y en a deux. Le premier, c'est que l'identification historique du projet libertaire à la lutte des classes n'est que partielle, et que l'émancipation ouvrière n'est qu'une émancipation qui a été très importante à un moment donné, mais avec des conséquences dramatiques, c'est qu'elle a écrasé d'autres émancipations, et que les anarchistes ouvriers, ils étaient anti-PD comme c'est pas possible, et qui martyrisaient leurs femmes, mais ce qui n'est pas contradictoire du point de vue anarchiste. Simplement, les circonstances historiques ont fait que c'était comme ça, et que dans l'avenir, il n'y a pas de raison qu'il y ait une nouvelle émancipation qui écrase les autres. Mais par contre, moi je pense que la lutte des femmes, d'où le fait que le petit lexique est né des conflits avec les féministes radicales, où on s'engueulait là-dessus, parce que tous les problèmes étaient posés, c'est que moi je pense que la lutte des femmes, actuellement, elle est infiniment plus importante que des tas d'autres luttes. Bon, ça c'est la première la chose, et je voulais ajouter une dernière sur le Nietzsche qui est anti-anarchiste, etc. Paradoxalement, Proudhon, c'est vrai qu'il a écrit des trucs antisémites, mais enfin comme tout le monde à l'époque, de manière excessive, parce qu'il était excessif. Mais Proudhon, le seul point insupportable qu'il a théorisé, c'est le rapport avec les femmes. Je vous ai cité De la justice dans la Révolution et dans l'Église, qui est un livre extraordinaire de Proudhon. Eh bien, dans les dernières études, vous avez un chapitre sur l'infériorité physique de la femme, l'infériorité intellectuelle de la femme, l'infériorité morale de la femme. Hein. Donc vous avez ça. Donc Proudhon, il a un point obscur sur les femmes, mais d'ailleurs il dit des choses des fois intéressantes. Mais enfin, il est d'une misogynie abominable. Moi, je vais vous dire franchement, ça ne me gêne pas. Je termine. Ça veut dire que je ne crois pas qu'il y ait des saints, que je crois que le monde est chaotique et composé. Et donc, je termine sur ce dernier point. Je suis convaincu que un mouvement des femmes fort et émancipateur et libertaire a tout à gagner à être proudhonien. Et ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que Nietzsche peut bien dire, c'est-à-dire que vous voyez bien que l'anarchisme, dans la mesure où il naît partout, de tous les points de vue, il n'y a pas de zone libérée. Donc la Cécilia, c'est une expérience intéressante en Allemagne, mais il n'y a pas de zone libérée, personne, et donc je vais m'élever contre certains camarades par ici, personne ne peut se dire, et je suis d'accord avec ce que vous dites, personne ne peut se dire anarchiste, c'est pas une essence être anarchiste. Simplement, on se compose, si on faisait un tour... Si on creusait un peu dans la vie des uns et des autres, quand on enlève les sadomasochistes, ceux qui vont voir les prostituées, j'en sais rien. On va en parler au 20 décembre avec Trémont. Ah bon, voilà, faites venir Trémont. Ah, Trémont, alors lui, il a un regard avec lequel je suis d'accord. Donc ça veut dire que les choses sont composées. Donc le problème, c'est comment recomposer le réel. Et donc c'est tous ces points de vue. Mais c'est vrai qu'il y a, dans la tradition anarchiste, l'importance ouvrière a été tellement grande qu'on finit par... Et comme on transforme tout en représentation et qu'on fiche ça en représentation, on se dit l'anarchie, c'est forcément... Non, c'est un hasard. D'ailleurs, les anarchistes... Ça a été un mouvement ouvrier, mais s'il y a des gens qui injuriaient les ouvriers, c'était les anarchistes. Hein. Si vous reprenez, moi j'ai travaillé sur les archives, les leaders libertades, les leaders anarchistes, ils passaient leur temps à dire aux ouvriers, vous êtes une bande d'abrutis, vous tapez vos femmes, vous avez des idées. C'est pour ça que quand on dit qu'il y a des homos de droite, ça me semble un jugement classificateur absurde, parce que... Toute notre expérience ouvrière montre que le texte de Griffel, quand Griffel dit le syndicalisme, ce n'est pas la classe ouvrière, il dit c'est le mouvement émancipateur de la classe ouvrière. Les ouvriers, ils sont aussi abrutis que n'importe qui, n'importe quel autre courant. Ouais, je voulais dire, il y a un truc assez paradoxal d'ailleurs, des mouvements anarches du 19e siècle par rapport aux femmes, c'est que ceux qui défendent le travail des femmes ne défendent pas l'égalité des salaires. Parce que ce sont les Proudhoniens, au contraire, qui défendent l'égalité des salaires, parce que si les femmes sont payées au même salaire que les hommes, elles n'auront plus de boulot. En gros, c'est plus ni moins ça. Et c'est par rapport à Proudhon, il n'échappe pas à l'ambiance générale, il est d'une époque. Il avait une maman, il est franc-comtois surtout. Si on lui pardonne d'être antisémite, il faut lui pardonner de la même façon d'être misogyne. Ah mais je pardonne pas, mais... Il faut savoir si elle a un poste et des voix différentes qui s'étaient levées ou pas, comme pour ça. Il a fait, on va dire, sa réflexion pour une évolution sur un certain plan, puis sur un autre nom. Mais c'est le cas de beaucoup de gens. Il n'était pas sur homme, donc... Oui, mais le problème, c'est que le lien entre les choses, c'est-à-dire que paradoxalement, par exemple, un ouvrier... révolté dans son usine, donc il était capable de tenir tête à son patron, paradoxalement, sa capacité à tenir tête au patron, elle s'expliquait par le fait qu'à la maison, c'était lui le chef. Vous voyez bien que les choses sont très compliquées. L'inverse. Il était attaqué, qui était nul à la maison et qui était obligé. Qu'il en rajoutait. C'est-à-dire que les choses se tiennent entre elles. J'ai voulu tout à l'heure l'avancer, parce que c'est quand on commence là-dessus, Ça peut être vécu comme des tourments. Une chose qui m'intéresse personnellement, c'est pourquoi on devient généralement militant, sachant que militant, c'est quand même de militaire, donc c'est déjà gênant. Alors pourquoi on s'engage, ça aussi, ben, pourquoi on se sent solidaire, là, ça commence à aller mieux. C'est déjà très important. On a, je ne crois pas qu'on parle, hein, de lutte, et je dirais d'engagement social, philosophique, déjà on est très embarrassé par rapport au mot, hein, parce que militant volontaire et engagement, engagez-vous, bon, déjà ça s'ingère un peu, si c'était que ça. Qu'est-ce qui fait dans notre histoire personnelle qu'on va devenir justement, on ne va pas subir, par exemple. Qu'on va se révolter, et puis qu'après on va articuler des idées à notre révolte, parce que c'est en général une constante qui s'échappe. Et qu'est-ce qui fait qu'on va réagir, on va dire, de façon plus humaine, libertaire, tout ça. Si on s'interroge sur ce qui est dans la genèse de nous en tant qu'individu, ça devient intéressant. Parce que c'est là où ça va nous parler rejoindre justement et la psychanalyse et le côté, je dirais, chaos et appel aux forces obscures qui existent dans l'ensemble des mouvements libertaires, c'est qu'il y a, je fais l'hypothèse que dans la révolte, on accepte quelque chose de nous qui est en partie contraire, et qui est aussi vécu par le groupe, qui s'en suit volontiers, comme le mal. C'est-à-dire ce qui m'a dérangé. Quand on est petit, si on se rappelle de notre enfance, Quand on est petit, on essaye de nous formater. On n'a pas parlé des enfants, on parle des luttes émancipatrices, on pourrait aussi parler de l'éducation, parce que là, il y a beaucoup à dire aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'on va, d'une part, résister au formatage, un certain nombre à résister partiellement au formatage, et qu'est-ce qui fait qu'on va donner la parole, en quelque sorte, à cette part obscure de nous, en individuellement, et qui va donc, à un moment donné, se réunir dans un mouvement d'action sociale ou autre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que, quand je l'aborde, souvent, les gens réagissent mal, parce que dès qu'on se met à donner une dimension psychologique et même psychanalytique à un mouvement social et philosophique, ça embête, parce qu'on dirait que, ben oui, on fait ça. Et pourtant, il me semble que justement, dans le mouvement libertaire est plus sensible que d'autres à cette dimension. Enfin, voilà. Il y avait un certain psychologue à l'époque, un peu précurseur de Jung et de Freud, qui s'appelait Otto Gross, se disait anarchiste, qui a introduit des idées de l'amour libre chez Jung, qu'il a pratiqué sur quelques années ses patients. Freud ne l'avait pas trop aidé. Mais disons, c'est vrai que Otto Gross a eu, il a l'air de revenir un peu aussi, mais il est mort fou. Il faut dire qu'il avait déjà des neuroses, il n'était pas très bien, mais c'est vrai que cette époque-là, il a introduit des choses assez intéressantes et qui a aussi permis une certaine façon à la théorie de l'habituation de Jung, qu'on pourrait un peu associer avec l'idée du potentiel de l'être humain à atteindre, pour devenir un être humain donc complet et éventuellement anarchiste. Non, je voudrais juste sur un point, c'est vrai que Jung, mais c'est. Bon, si on prend. Pardon, excuse-moi, mais je serai rapide. Si on prend la définition que Proudhon donne de l'individu. Proudhon, il va dire l'individu, c'est un composé de puissance au pluriel. Donc ça veut dire que Proudhon a cette conception que le collectif. C'est-à-dire que pour Proudhon. La modernité de Proudhon, là je parle du point de vue de la sociologie, c'est ce que la sociologie a mis des années à comprendre, c'est que l'opposition société-individu, ça n'a aucun sens. Mm-hmm. C'est-à-dire que toute entité collective a une existence propre, c'est leibnizien, et tout individu est un groupe. Et c'est vrai que j'ai essayé d'utiliser, donc il y a un philosophe qui n'est pas du tout anarchiste, qui s'appelle Gilbert Simondon, qui a une définition de l'individu et de la subjectivité, c'est-à-dire qu'il va dire l'individu est plus et moins que lui-même. Donc il va reprendre la Peyronne d'Anaximandre, c'est-à-dire qu'il va dire que... Mais on est loin de Freud, mais effectivement on est proche de Jung, avec le fait que Jung va le figer dans les archétypes n'ont aucun intérêt. Le formalisme. L'idée donc faite de catholicienne comme Nietzsche, il faut dire que ce qui est sur la terre n'est pas au ciel. Ouais. Jung était très influencé par la catholicité et donc les archétypes, etc. Ouais, voilà. Mais Jung était très influencé par Nietzsche. Nietzsche a aussi été influencé par Proudhon. Parce que disons qu'on peut dire quelqu'un était. Alors est-ce Proudhon, que Nietzsche avait lu Proudhon, ils sont proches. Oui. Il a lu Proudhon parce que disons il détestait. Vous êtes sûr, ça, vous avez des preuves? Il détestait de citer ses sources. C'est comme son idée de Zarathustra, il a repris dans le poème de Shelley. Ah bon. C'est la première fois qu'il est tombé sur Zarathustra dans le poème de Shelley, qu'il avait lu à cette époque-là, où disons on trouve donc des lettres qui ont été traduites, il était fasciné par la pensée de Shelley, de Godwin, mais il n'a pas jamais évidemment. Il a lu l'être et dit, disons, j'ai vécu un moment. Vous pouvez donner la référence. Oui, mais disons. Mais disons, parce que Nietzsche n'avait pas le tout. Il ne devait pas dire qu'il avait lu Stirner. Oui, il avait lu Stirner. Ça, on sait qu'il avait lu Stirner. Overbeck, dans son livre, il dit Nietzsche est contre l'anti-anarchiste très particulier de Nietzsche, mais l'anti, il dit entre prudent, et c'est vrai que moi, le cercle estime, ce qui s'est passé quand j'ai lu Deleuze, j'ai lu l'anti-Oedipe assez tard, au début des années 80, je n'avais pas à lire, et j'avais lu Proudhon avant, et je me disais, mais c'est du Proudhon, enfin, la finité passe par là. Pardon. Un ami ou un copain, qui s'appelle Roland, qui prend la parole. Je voulais venir sur un point qui me paraît essentiel. C'est que l'anarchisme est fondé sur la reconnaissance de la multiplicité. La multiplicité et s'oppose à toutes les entreprises de monopole, de simplification vers le monothéisme. Que ce soit le monothéisme, par exemple, qui sont les pires des inventions de la religion, et que ce soit alors d'autres formes sur lesquelles je pense que c'est pour une autre fois peut-être. J'ai mal, par exemple, à essayer de faire passer des réfractions quand ils ont fait quelque chose sur la démocratie, dire que moi j'étais pour la démocratie parce que j'ai vécu dans des régimes où il n'y avait pas la démocratie. Et pour nous qui vivons dans des régimes démocratiques, on trouve ça normal de pouvoir se réunir ici ou ailleurs, etc. Donc, mais que ce qui a, à mon sens, provoqué l'écroulement du communisme, c'est pas du tout des manœuvres d'un pape, c'est le fait que c'était des régimes voués à disparaître parce que fondés sur la pensée unique et fondés aussi sur autre chose. Alors là, que j'ai beaucoup de mal à défendre parmi les anarchistes, c'est qu'au point de vue économique, c'était des régimes foutus parce qu'ils étaient fondés sur le capitalisme d'État, c'est-à-dire le monopole de l'économie par un pouvoir. Et je pense que nous, par rapport à ça, c'est très difficile à dire, nous devons être pour l'économie de marché et la société de consommation. C'est une utopie. C'est une utopie, ça n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, c'est justement retrouver le communisme d'État dans les grandes sociétés aujourd'hui. Alors là, c'est la mondialisation. C'est une certaine forme de mondialisation, de tendance au monopole économique. Mais j'ai vécu et j'ai vu comment les régimes où il n'y avait pas de consommation possible, c'est des régimes communistes, c'était des régimes qui étaient minés, qui ne pouvaient pas durer. Hein. Moi, j'aurais pas cru que ça s'écroulerait en 89, moi, je pensais que ça allait durer un peu plus. Et je pense que c'est quelque chose de très difficile à défendre, c'est que les gens, comme nos enfants, comme nous, qui vivons dans la consommation, on ne peut pas diviniser la consommation. Mais le fait que le marché donne une possibilité de choix dans la consommation, c'est déjà un progrès pour la vie. Est-ce qu'il y a vraiment le choix? Est-ce qu'il y a vraiment le choix? Si. J'ai l'appréciation différente. Parce que, la provocation, je ne dirais pas c'est l'économie de marché, mais l'économie de libre. C'est-à-dire que l'économie marchiste, c'est l'échange pour la vente. C'est le négoce. L'économie de marché. Enfin, je veux dire, le mercato, c'est tu achètes pour revendre. Hein, je veux dire, structurellement. Hein, c'est ça le capitalisme. Effectivement, c'est une captation de cette économie. On dirait la société marchande. Cette économie libre vers, je veux dire, un mode, je veux dire, uniquement du marché. Parce qu'effectivement, l'échange, en tant qu'anarchiste, on ne peut pas être contre, justement, hein, ce truc d'échange, je veux dire, qui soit, je veux dire, l'échange de production, économique, etc., l'échange intellectuel. Mais, genre, par rapport au capitalisme, je veux dire, c'est une déviance, je veux dire, c'est que. Quand on dit par exemple, quand on dit les travailleurs libres s'échangent, se confrontent avec d'autres travailleurs libres. Et tu vois, on peut dire, moi c'est l'économie de marché. Mais je pense qu'elle est différente du capitalisme parce que dans le marché, il y a, je veux dire, une seule logique, justement. Auparavant, l'économie libre, c'est plus ouvert, les seuls sont beaucoup plus démultipliés. Alors que dans l'économie de marché, elle est réduite à de la chaîne de la vente. C'est-à-dire, comme disait Clément, la marchandisation en tant que système. Alors que dans l'économie libre, il y a un type socialiste, je dirais, c'est l'échange libre. C'est-à-dire, peut échanger ou ne pas échanger, et en tout cas, il n'est pas systématiquement réduit à la marchandisation. C'est ça la différence. C'est pour ça que, effectivement, le capitalisme d'État, en lui-même, il est oublié, mais dans le capitalisme, pour ça, peut-être qu'il garde comme ça, parce qu'il y a des éléments de cette économie libre, mais qui sont captés, je veux dire, au profit du capital, du marché, parce qu'il y a l'accumulation. Oui, mais il y a toujours une captation qui le fait sortir de la répartition générale. C'est la même manière où l'État a fonctionné pendant des années, parce que souvent, je veux dire, dans le monde ouvrier, les mecs ont mis en place le mutualisme, je veux dire, l'hygiénisme, les trucs comme ça, mais on a dans le rapport de force, notamment avec le socialisme politique, c'était capté par l'État, je dirais, il était tout. Après, certains sont gênés par rapport à la défense du service public. Hein, déjà parce qu'il y a une inquiétude à la défense. Moi, je dis, elle n'est pas ambiguë. Tu peux être. Justement, dans les bureaux de travail, on a montré qu'il y avait des services collectifs qui n'étaient pas l'État. Où les gens avaient collectivement une décision sur les choses dans leur proximité, dans leur territoire et dans leur secteur. C'est pour ça que. Donc, je dis, je suis contre l'État, mais pour les services collectifs, parce que justement, il faudrait justement que ces services soient collectivisés, c'est-à-dire qu'à la fois les travailleurs qui travaillent dans ces systèmes, dans ces secteurs, je ne sais pas, l'EDF, la France, etc., ils n'ont pas, je veux dire, une maîtrise de leur secteur. Je veux dire, c'est l'État, je veux dire, les directions générales, etc., qui imposent, je veux dire, des logiques. Et si dans les services collectifs, il y avait le rapport entre les usagers, c'est-à-dire les travailleurs d'autres secteurs et les travailleurs de ce secteur où il y avait des manières de fonctionner ensemble. Et c'est vrai que quelquefois dans des manifestations, on parlait, les docteurs, là, il y a quelques années, et ça, on n'a pas tenu à parler. Ce qu'ils demandaient, entre autres, le médecin, par exemple, c'est 2 ou 3 ans, de ça, c'est 2 ans, quand il y a eu le mouvement de médecin, mais certains demandaient l'abolition de l'ordre des médecins. Et mettait en place des maisons, des conseils de santé, c'est-à-dire les infirmières, machin, etc. Donc là, on voit que ce n'était pas forcément anarchiste, mais il y a ce mouvement autogestionnaire qui est là. Effectivement, il faut pas appuyer dans ce truc-là. C'est pour ça que je disais, quand tu prends l'économie de marché, c'est un peu l'économie libre, oui. Et le marché, non, parce que c'est réduit, je dirais, à l'achat et à la vente. Et bon, moi, quand je rencontre quelqu'un dans l'échange, c'est pas avec, je veux lui vendre quelque chose. Enfin, dans le sens premier du terme. Moi, achat et vente, c'est au contraire la société libertaire. Oui, d'accord. Complètement libertaire. Il y a solidaire, Si vous me permettez une petite incise, parce que je n'aurai pas l'occasion de la placer plus tard. Si vous êtes libre chez vous, le soir vers 17h55, écoutez-moi ce que je dis. Il y a un nommé Albert Jacquin qui vous fera travailler la matière grise. À quelle heure ? 17h55 à peu près. Ça dure 3-4 minutes. Il n'a pas été remplacé par le galant. Non. C'est chronique encore. Oui, il fait encore ses chroniques. Et ça vous oblige très souvent à prendre conscience des limites de votre démarche intellectuelle. Ceci dit, je vous le recommande. Essayez, vous direz bon, ce que vous en pensez peut-être un autre jour. C'est un individu qui a l'air d'avoir un bagage scientifique et philosophique très important et qui s'exprime en termes clairs, simples. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, Il est très très intéressant. Maintenant, est-ce que vous connaissez la Bourrive? Oui, Et la Bourrive, c'est celui qui a écrit l'éloge de la pluie. Et alors, si vous ne me connaissez pas, c'est très curieux, parce que cet individu qui au départ est chirurgien dans l'armée, et qui par l'observation découvre que l'hypothermie facilite certaines amputations, mais ça ne répond pas au protocole de l'armée française ou de la marine française à l'époque, quand ça attire l'attention des Américains, qui disent, tiens, ce gars-là, il a l'air d'avoir trouvé quelque chose qui est intéressant. Alors il demande à l'armée française de lui permettre d'entendre ce type aux États-Unis, et d'abord aux États-Unis, il se fait comprendre, alors qu'il ne se faisait pas comprendre en France. Il paraît que quand vous avez séjourné longtemps dans l'eau froide, il est plus facile de vous amputer, ou ainsi de suite. Et beaucoup moins douloureux pour celui qui subit. Bon. Et alors ce gars-là, dans l'armée, il n'a pas pu se faire comprendre, il était donc militaire, formation au départ. Et il s'est mis à son compte, il a établi un laboratoire, il a fait des découvertes qui ont permis de faire vivre ce laboratoire sans demander de subvention. Et il écrit dans l'Église de la Fuite quelque chose de très anarchiste. Et il dit, voilà, si le grand organisme est en parfaite santé, il n'y a pas de cellules privilégiées dans l'organisme. Tout ont leur somme de satisfaction qu'elles attendent et qu'elles doivent recevoir. Et c'est ainsi que la santé se manifeste. Et alors, c'est curieux parce que c'est de la part d'un individu qui a une formation scientifique, qui est d'abord au départ une formation militaire qui ne conduit pas à l'anarchie. Mais il finit par, dans son éloge de la vie, de dire voilà, l'anarchie, la santé, c'est le comportement anarchique de l'organisme qui trouve toutes ses satisfactions, c'est-à-dire que la cellule qui est au fin fond de votre pouce, eh bien, elle n'est pas supérieure à celle qui est au niveau du cerveau. Et qu'elles attendent, chacun d'elles attend une sorte de satisfaction qui leur permette de participer à l'harmonie générale. On peut dire que l'alcool, c'est le dieu du corps. Excusez-moi, je peux partir, je me trompe. Ouais. Au revoir. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je pense que... invoqué tout à l'heure. Je pense que Louise Michel, qui était, paraît-il, maçonne, si elle est à l'Orient éternel, eh bien, cet après-midi, elle a dû avoir une certaine satisfaction de vous entendre. Non, en parlant de Louise Michel, je vous ferai le courrier. La journée de la femme à Aix, il y a eu une manifestation en mémoire de Louise Michel, avec l'association Aix-en-Provence. Oui, oui, mais... Il y a quelques jours aussi, à la bibliothèque de l'école de professeurs à Aix, dans cette bibliothèque, elle était baptisée Bibliothèque Louise Michel. Donc, les idées qu'on sème, ça prend, mais ça prend quand même. Oui, j'ai même entendu dire qu'il y a des gens qui ont dit que le lycée Thiers, là, de votre étudiant baptisé et appelé lycée Louise Michel. Oui, justement, on a parlé de ça aussi. Parce qu'elle est, paraît-il, morte pas loin d'ici, là, boulevard d'Athènes. Ouais. Bon, non, on ne sait pas, mais on parlait, on s'arrête. Bon, mais je crois que si on n'a pas fait le tour du sujet, on en a longuement parlé quand même. Bon, c'est bien, alors. Tu t'en vas. Moi, j'ai été aux toilettes. Ah, il y a comme ça de basse nécessité. On t'excuse. Bon, c'est Sylvie qui est par là. Oui, je suis là. Ah, je vois pas, j'ai obligé de demander. Dis, non. Je compte sur toi. Oui, tu peux. Voilà, je vais chercher ma téléphone. Je prends son énorme. Où il est, je vais le trouver. Et comme ça, je te mets en même temps, on enregistrera. Et tu auras les cassettes qui vont créer. Tu as les fleurs de cassette. contre, oui, bien sûr. Et par contre, j'ai prêté un autre j'ai prêté ta cassette. Oui, parce que disque. Pas une cassette. J'ai une cassette où on termine là en cours de parcours. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Et je l'ai prêté à ce moment-là à un ami qui a joué à Rue dans la Ménèche. Alors tu ne connais pas Paul Badovini. On pas parlé, ils se sont croisés, oui, Je laisse mon numéro.